Vous écoutez WRQC. Spartiate au cœur en chocolat. Il y a du monde chez Léon. Du débat, des infos, des invités. Ce sera musclé. Mais dans la bonne humeur. Même les voisins en redemandent. Il y a du monde chez Léon. Jusque 13h, il y a du monde chez Léon. Eh bien bonjour à toutes et à tous, il y a du monde chez Léon, on est ensemble jusque 13h, 10h30, 13h et en rediffusion. Le mercredi de 10h30 à 13h toujours, les mêmes heures. Une émission riche en débats, en infos, en insolites aujourd'hui, avec mon chroniqueur adjoint préféré, j'en ai qu'un, Alain. Ah, je me suis reconnu tout de suite. Bonjour à tous. Ça va Alain? Mais ça va très bien. Oui, fraîchement ça commence hein. Oui, mais j'essaye de... Tu vois, j'ai mis des longues manches, mais j'essaye encore de ne pas mettre de blouson. Je me couvre pas trop. Tu résistes. Quoi. Ouais, je résiste. Mais est-ce que tu résistes au micro? Parce que c'est bien beau de faire le malin sans tes manches. Pour l'instant, ça va. Non, mais c'est vrai qu'on a repris une... On a fait une reprise un peu en chaleur. Hein, et là, c'est vrai que c'est... Ah, ça y est, c'est... L'automne est là. Voilà, on a repris la routine de notre belle région. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Alors, on a notamment dans, on a le bon et le con de la semaine. Non, hein. Là, on va parler dans cette rubrique d'un avion en perdition, presque. Oh mince. Donc, on verra ça. Mais tu as le bon, toi, cette semaine? J'ai le bon. Ah ouais, c'est moi qui prends le con. Ouais. Ah, bah, les bonnes habitudes, on reprend. Bon, après, j'ai prévu aussi de parler d'un monsieur qui cultive sur 35 mètres carrés de quoi le faire vivre. Et... Tu vas parler jardinage, donc. Voilà, un petit peu. Hein. Alain la main verte, on va dire. Alain la main verte, si tu veux. Il y a eu Guy de Montillo et Alain la main verte. Bon, dans le cadre de la venue de notre invité, oh oui, on a un Alexis. Invité aujourd'hui. Oui, parce que... et on va le laisser parler après, peut-être. J'espère bien. J'ai prévu un petit quiz. Ah ouais, tu vas nous faire jouer. Ah voilà, je vais vous faire jouer un petit peu. Et puis si on a le temps, on va parler des poissons qui produisent de l'alcool. Ça c'est plus tard, ça sera d'accord. Vers la fin d'émission, si on a le temps. Hein, les poissons rouges qui produisent de l'alcool. J'ai une vanne, mais je la sortirai au bon moment alors. D'accord, on parle tout à l'heure et n'oublie pas le jingle. Hein. Du poisson. Non, non. Du bocal du... Oui, d'accord. Non, non, si j'ai un, t'as bien compris. On passe les jingles, c'est très important, on annonce, on fait vivre. Ouais. Voilà. Sinon les gens ils s'ennuient, nous écouter. Les jingles sont mieux que ce qu'on dit, en fait. Non. D'accord, bah vas-y, passe un jingle. Il y a du monde chez Léon. Il y a du monde chez Léon. Ouais. C'est bien, ça va? Ça marche. On a donc Alexis qui est notre invité du jour, qui est un créateur. Bonjour. C'est un mec qui a des idées. Exactement, des c'est idées. Ça. Bah, il va nous parler donc de son idée aujourd'hui, qui est un jeu très célèbre. Le Monopoly. Le Monopoly. Nous allons faire un Monopoly Moucron, entièrement personnalisé. N'en dis pas trop, n'en dis pas plus, on ne spoil pas, c'est du teaser là maintenant, tu vois. C'est... Et vers 11h20, vous retrouverez donc Alexis et sa création, le Monopoly des Hurlus. Oui. C'est ça les moucronois, c'est les Hurlus. Ils n'ont pas les Berlus. Non, mais tu nous feras une recherche de pourquoi on les appelle les Hurlus. Voilà, oh, mince. T'as fait le malin, je te donne des devoirs. D'accord. On va le faire parler un tout petit peu quand même, c'est un spectateur aujourd'hui, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Dis bonjour à tous ceux qui t'écoutent. Bonjour, bonjour à tous. Benoît qui est en vacances, qui nous vient du sud de la France. C'est ça, de Brive-la-Gaillarde. De Brive-la-Gaillarde. Est-ce qu'on peut dire que Brive c'est le sud? Oui, c'est le sud-ouest. Les portes du sud, voilà. Ouais, les portes du sud, d'accord. Qui est en vacances et en fait il vient en vacances dans le nord. C'est-à-dire qu'en fait il fait trop beau, trop chaud chez lui, tout ça, et à un moment il veut voir des choses exotiques. Voilà, il y a trop de monde dans le sud, on sait que dans le nord il n'y a personne, du coup on est tranquille. Et puis ils ont repris le boulot, c'est con, tu vois, donc ils nous laissent le nord tranquille, mais le nord un peu pluvieux, mais voilà, c'est un peu exotique, il y a l'impression de se trouver dans la forêt tropicale au moment de la mousson. Alors, chose intéressante, mais on en parlera pendant l'émission, c'est que voilà, Benoît est père de jumeaux. Père. Père de jumeaux. De jumeaux. Ça fait 4 alors. Ouais, c'est une vanne pourrie. Ça aussi. Tiens, allez, je me l'autorise, je me le mets. Mais c'est tout pourri. Oui, c'est tout pourri, effectivement. Mais écoute, on est un petit peu comme ça chez nous. Par rapport au temps, le tout pourri. Et tu as le grand-père des jumeaux. qui est polonais. C'est ça. Et qui donc s'est dit, bah tiens, je vais venir voir mes jumeaux quand même, mes petits-enfants, mes petits-fils. Et puis bah, c'est vrai que la rencontre entre la Pologne et Brive-la-Gaillarde, le milieu, bon, voilà, c'est Mougron, Comines, voilà, on est du côté de Comines, ça c'est le lieu de rencontre. Voilà. Faudrait calculer si on est à combien de kilomètres. Non, c'est loin, là, je ne me rends pas compte. D'ici jusqu'à la Pologne. D'ici jusqu'à la Pologne, il y a à peu près 1200 kilomètres. Et il y en a jusqu'à Brive 700. Ah bon, allez, on est à mi-chemin, mais tu en as fait un peu moins. Donc voilà, on appellera justement Piotr, on lui dit bonjour, ouais. Et sa fille Nastasia. Les jumeaux, on va peut-être pas les faire parler à l'antenne, mais on les appellera dans la matinée. Et puis on a Andy qui se fait tout discrète là-bas, qui accompagne Alexis. Qui... C'est une de tes créations aussi. Non, trop parfaite pour une de mes créations. Oh, bravo. J'applaudis. C'est trop beau, trop trop beau. Ça se voit pas, mais elle rougit. Elle rougit, c'est mignon. C'est parce que la boîte du Monopoly est rouge. On aura Marie qui nous parlera des sorties du coin. Voilà. Et Lilissou qui nous parlera de livres pour enfants et qui s'occupera des recettes aussi, de la cuisine de Léon aujourd'hui. C'est elle qui me fait à manger. À moi, qu'à moi par contre. Oui. Ouais. Donc on se retrouve après avec le bon et le con de la semaine. Et puis nos invités, nos chroniqueurs. Pour le moment, c'est Danaki, les champs de roses. Tu connais ? Écoute, c'est sympa. Ça y est, t'es passé au reggae, toi. Je passe un peu de tout, tu verras. Ouais. Allez, à tout de suite. Jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr, on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de roses n'existe pas, pourtant l'imaginer. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Décroche-la si tu l'oses. Oui, décroche-la si tu l'oses. Hey. Il y a du monde chez Léon. Il y a du monde et il y en a de plus en plus. Marie est arrivée. Oui, bonjour à tous. Bonjour Marie, j'ai bien annoncé que tu allais parler des sorties du coin, c'est toujours ça? Très bien. Très bien, les sorties du coin. On te retrouve après notre petit moment, le bon et le con de la semaine. On commence par qui, Alain? On commence par... Le bon ou le con? Non, on commence par la conne. Ah, c'est la conne, c'est vrai. La conne, allez. Elle se trouve du côté du Havre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour être si conne? C'est une habitante du quartier de Montgaillard, dans la ville du Havre, en Seine-Maritime. C'est très reportage comme ça, tu trouves pas? On dirait Jean-Pierre Pernaut. Oui, ça. Elle a été internée en hôpital psychiatrique le 2 septembre. Bon, déjà, je vous ai annoncé la fin. On sait que ça se termine... Pas très bien. Bon, si on prend soin d'elle et qu'elle va mieux, ouais. Voilà, tu vois, en étant un ancien travailleur d'hôpital psychiatrique, je sais qu'on peut faire du bien aux gens. Ouais, mais pas des miracles. Non, mais s'ils entendent des voix, si les voix sont pas méchantes, on les laisse, hein, on leur laisse. D'accord. Et avant d'aller en hôpital psychiatrique, elle a quand même passé 48 heures en garde à vue, donc on peut imaginer qu'elle a peut-être dépassé les bornes au niveau légal, au niveau des délits, au niveau de son comportement. Selon les autorités, elle avait déposé quelque 93 plaintes en un peu plus de 2 mois. T'imagines ? 2 mois, 60 jours, 93 plaintes. Il faut avoir un abonnement, je pense. Mais je pense, oui, mais je pense que quand il la voyait arriver, son café était prêt, les petits ces trucs-là, on va prendre notre temps, tout ça. Donc il y a une expertise médicale qui devra déterminer si elle a agi de la sorte, de façon très consciente ou pas du tout. Et le 29 août dernier, au Havre, une agence bancaire a déposé plainte contre l'une de ses clientes. En cause, la dite cliente avait, en l'espace de 5 petites heures, trouvé le moyen d'envoyer quelque 35 mails à une conseillère bancaire. C'est-à-dire qu'elle dépose des plaintes, tout ça, mais en même temps, elle se plaint aussi à des gens, 35 mails à sa conseillère. Bon, ça peut paraître que c'est un petit peu du harcèlement, donc je comprends que la banque ait pu porter plainte contre elle. Des messages qui faisaient état de menaces caractérisées expliquent une source judiciaire dimanche à Normandie Actu. Voilà, on travaille avec les médias partenaires. Normandie Actu, si nous écoutez, merci de votre source. La trentenaire menaçait même de faire sauter l'agence en raison du non-remboursement de frais bancaires. Comment elle y va? Voilà. C'est la mode en ce moment, on n'est pas content, on se fait sauter, on s'est exposé. Peut-être, hein. Peut-être pour une cinquantaine d'euros, quoi. Je pense que quand on se fait sauter, on est plutôt content, hein, mais en tout cas, oui. Enfin, ouais, ça, c'est dans ça, une c'est autre, la, ça, c'est notre lundi, émission. Ça. Hein. Oui, on en parlera en fin d'émission, d'une émission du lundi sur RQC. Alors voilà, on continue avec cette dame. Hein. Donc, en réceptionnant la plainte par la banque, les services de police ont tout de suite fait le lien avec une résidente de la ville dans le collimateur des forces de l'ordre depuis quelques temps. C'est comme ça, voilà. En fait, ils ont pris les plaintes, mais ils se sont rendus compte seulement quand ils ont reçu une plainte contre elle que effectivement c'était elle. Enfin, croiser les informations à la police, ça ah, doit pas mais être, on la connaît. Ah, mais on la connaît. Oui, bien sûr. Donc effectivement, entre le 25 juin et le 19 août, 93 pré-plaintes. Donc des pré-plaintes, qu'on appelle ça des mains courantes, tout ça, ont dû être déposées. Il n'y a pas que des plaintes, hein, bien sûr, qui n'ont jamais été prises au sérieux compte tenu de leur objet. Alors quel était l'objet, par exemple, de leur de ces plaintes. La Havraise, d'une trentaine d'années, avait porté plainte à plusieurs reprises contre sa boulangère, car elle ne lui faisait pas crédit. C'est dégueulasse, ça. Ah ouais. Donc, on porte plainte. Ou encore contre ceux qui ne veulent pas faire du sport. Voilà, elle est allée porter plainte. Donc, pas contre X, mais contre ceux qui ne veulent pas faire du sport. Plus insolite, bien sûr, à certaines plaintes déposées, contre ceux qui ont les dents jaunes et abîmées. Ouais. Donc si tu croisais le regard de cette dame pas très bien, fallait surtout pas lui sourire si t'avais les dents jaunes et abîmées. Elle a porté plainte contre le foutre, contre le judo. Attention ce que t'as dit. Contre le foot, contre le judo. Je pensais que c'était passé. Je l'ai capté, hein, mais bon. Je pensais que c'était passé. Non, et bah non. Moi j'ai entendu. Très bien. Donc si vous avez pas capté, bah, je ne vous expliquerai pas. Elle a aussi voulu attaquer Charles Aznavour. Et aussi le tube, c'était bien chez Laurette. Tu connais Michel? Ouais, ouais, Michel. C'était bien chez Laurette. Eh bien non. D'après elle, ce n'était pas si bien chez Laurette. Donc comme c'est une chanson mensongère, c'est pas si bien chez Laurette, et ben elle a décidé de porter plainte. Bon voilà, plein de plaintes, tout ça, au bout d'un moment, avec le... Ils ont réussi à croiser la plainte de cette banquière et puis voilà de toutes ces plaintes farfelues qu'ils ont retrouvées dans leurs archives du mois d'août. Ils ont dit, bah voilà, on va peut-être un petit peu la convoquer. Ils ont quand même pris 48 heures en garde à vue. J'imagine que ça s'est très bien passé en garde à vue. Elle a été calme, sympa et non agitée. Et ensuite, bien sûr, l'hôpital Pierre Janet l'a pris en charge. Voilà. T'as vu sa phrase de conclusion, enfin ce qu'elle dit. Elle s'est justifiée. Ouais. Alors maintenant, on va voir si au niveau de l'expertise, si on peut prendre au sérieux cette justification. Je n'ai jamais rien dit dans ma vie. Aujourd'hui, je dis tout. Et ben voilà, elle fera peut-être une introspection sur sa vie d'avant ou pourquoi elle n'a jamais rien dit et qu'aujourd'hui elle balance les choses. Voilà, c'était pour aller la conne de la semaine. Allez. Ouais, la malheureuse de la semaine. Je suis quelqu'un de gentil, d'empathique, de sensible. C'est ça, voilà, ça fait sourire un peu, c'est vrai. Et toi, tu as quelqu'un de bon? Bah, quelqu'un de bon, oui. Oui, oui, quelqu'un qui a réussi à, je veux dire, encore à sauver des vies au milieu des tornades. Alors, on parle beaucoup justement aujourd'hui des différents cyclones, des ouragans qui traversent les Antilles. Oui. Là, moi, je parle. Bon, ça s'est passé fin août. C'était en pleine scène de fin du monde, tu vois, un peu ce que tu vois dans les blockbusters où il se passe des trucs. Gros film américain où à la fin ça se finit bien. Il y a un mec qui sauve le monde. Voilà, c'est ça. Donc. Et c'est lui. C'est lui qui sauve le monde ? Non, pas tout à fait. C'est Bruce Willis ? Non, non, alors c'est... non, parce que non, il n'y a pas besoin d'aller monter sur un astéroïde pour le détruire, non. Non ? Ça reste quand même sur Terre, mais dans les airs. Alors, des touristes présents ce mardi-là sur une plage de Sotchi. Hein, Sotchi, on connaît bien. En Russie, les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Olympiques. Et donc, ils ont filmé une scène apocalyptique. Quoi, c'est dur à dire. C'est apocalyptique, merci. Ah, ça y est, hein. Tu te venges. Tu m'as balancé sur mes fourches qui languent. Ouais. Alors bon, Sotchi, c'est situé sur les bords de la mer Noire, en fait, hein, sur les rives de la mer Noire. Et donc, ça a été balayé pendant plusieurs jours par des ouragans. Alors on voit d'ailleurs dans les images que je mettrai sur le site, sur notre page Facebook. On voit plein de trompes marines. Et on voit aussi un avion... qui n'est pas en perdition, mais qui va essayer et qui va réussir à se poser, en fait, sur l'aéroport de Sotchi, en essayant justement d'éviter toutes ces trompes d'eau, toutes ces trompes marines, en fait. Et c'est, quand on voit la scène, on se dit il suffisait peu de choses pour qu'il soit complètement emporté, en fait. Et, je dis chapeau au pilote. Le mec, il a gardé son sang-froid. Voilà. Il y avait combien de personnes dans son avion ? J'ai pas le nom, mais c'était un avion de ligne. Donc un avion de ligne, donc voilà, c'est pas un avion privé. C'est pas un petit avion, quoi. C'est un gros bolide à maîtriser. Voilà, ouais. Donc effectivement, ça rejoint un peu le film. Je sais pas si tu te souviens du film avec Tom Hanks, qui était tiré d'une histoire vraie, du pilote qui réussit à poser son avion sur l'Hudson. Sur l'Hudson, il y en a avec Denzel Washington aussi. Où d'ailleurs, il pose son avion, il amerrit, mais en fait, on se rend compte qu'il avait un peu bu d'alcool. Ah ouais, non, en fait, mais là, il a sauvé des centaines de passagers, mais il va se faire dézinguer parce que... Ouais. Ah bah là, dans le film, c'est pareil. Enfin, tu vois que l'histoire que raconte... Enfin, que nous fait vivre Tom Hanks, tu vois qu'effectivement, il se fait aussi dézinguer. Ouais. Parce qu'on lui dit qu'il n'avait pas à se poser là et que c'était impossible. Mais il a réussi. Ah là là. Sous ces dirigeants qui veulent que du fric. Ouais. T'as abîmé mon avion. Si tu l'avais vraiment crashé et puis qu'on avait tué plein de gens, l'assurance nous aurait donné plein de sous. Quoi. Ouais, c'est presque ça. Donc lui, en tout cas, le héros, le plus que le bon, le héros de la semaine, ce pilote d'avion. Voilà. Ouais. Très bien. Eh bien moi maintenant, si je voyage, je veux ce pilote. Ou pas. Parce que peut-être qu'il porte la Shkoumoun d'ailleurs. Peut-être que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Non. Peut-être que c'est sa façon de voler qui ont fait en sorte qu'il y ait des trompes d'eau. Très bien, le bon et le con de la semaine. On a Lilissou qui est arrivé. Bonjour Lilissou. Salut à tous et à toutes. Alors Lilissou, aujourd'hui, j'ai dit que t'allais parler de livres. J'ai raison ? Ouais. Je vais parler de livres et même dit. Et même de cuisine aussi. Et de cuisine, ce que j'ai dit, la cuisine de Léon, aujourd'hui, c'est toi qui me fais à manger. Ouais. Et c'est aussi par rapport à un livre de cuisine. Et je pense qu'il va intéresser pas mal de personnes. Très bien. Eh bien, on te retrouve à midi pour la cuisine. Et puis pour le livre, eh bien, on va peut-être avoir le temps d'en parler. En tout cas, pour le moment, c'est notre premier talk de la journée. Juste après, un petit titre musical. Qu'est-ce que je vais vous passer ? Blood on the Dance Floor de Michael Jackson. Ça vous va ? Oh, très bien. Très bien ? Oui. Et de toute façon, si ça vous va pas, c'est moi qui décide. Voilà. Donc c'est parti pour Blood on the Dance Floor de Michael Jackson et on se retrouve juste après pour nos petites discussions entre nous, des infos, plein de choses. A tout de suite. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding only. as you can, you know. Tune in, but it's all right. Bad as I think, it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. RQC. Y en a qui ont le cœur si. Faut que je plonge dans la vie. Tes sensations. Dans une vie où je sens, où je plonge pour toujours. Ta musique. Ta génération. Ta génération. Ta génération et... Il y a du monde chez Léon. Et il y a du monde chez Léon sur RQC. On est ensemble jusque 13h, il y a du monde chez Léon, 10h30, 13h, beaucoup d'invités, beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui, hein. J'ai invité beaucoup de gens. Faut agrandir. Mais la porte est ouverte. Plus on est de fous, plus on rit. Puis, qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte, tout ça. Moi, je vais pas vous la chanter. C'est pas un tube, hein. On parlait de bonne musique sur RQC, elle y passe pas. Alain, tu vas nous parler jardinage, tu disais. Oui, un petit peu, oui. Ça dirait d'être autosuffisant en légumes. Oui, hein, je vais dire oui. Alors, c'est ce qu'a fait un Normand, en fait, Joseph Chauffret, pardon, qui arrive à faire pousser 300 kilos de légumes par an. 300 kilos de légumes. Ouais. Ouais. Ouais. Et donc, de quoi largement subvenir à ses besoins et ceux de sa femme. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il précise que c'est ses besoins et ceux de sa femme. En plus de besoins en légumes. Bon, tu sais qu'en moyenne, on mange 125 kilos de fruits et légumes par an, sauf ceux qui vont au fast-food. Salade, radis, tomates, carottes, betteraves se côtoient, se cultivent ensemble grâce au principe de la permaculture et des connexions fonctionnelles, qui consistent à bien positionner chaque élément du jardin en se calquant sur le modèle de la nature. Et donc lui... ce bonhomme là te fait ça sur 35 mètres carrés, hein, donc ça fait la taille d'un ring de boxe, hein, ouais, d'accord, en clair quoi. Donc il arrive à te faire pousser, donc il a un petit, il a d'une part un petit potager, il a aussi un petit verger de 10 mètres carrés où il accueille des pommiers, de la vigne, des kiwis, un poirier, un figuier. Il a aussi dans les tout petits fruits un mûrier, framboisier, cassis, groseille, myrtille, des érelles, des baies, des fraises, du sureau et de la rhubarbe. Il se trouve où ce jardinier C'est près de Rouen en fait. D'accord. Voilà. Et je pense que... Enfin, je voulais parler de ça parce que je me dis que... C'est une idée qu'on peut reproduire par ici. C'est une idée qu'on peut reproduire, oui, à peu près partout en fait. On a déjà, je pense que tu as déjà entendu parler des gens qui font pousser un peu comme ça, ils font un peu de jardinage sur leur balcon. Ouais, je fais du jardinage, mec. Ou sur les, même sur les, comment, sur les toits. Oui, à Paris, ouais. Bon, j'imagine que la pluie qui, ouais. qui aide à l'arrosage, oui, ça donne de bons légumes. Genre une carotte bleue, c'est vraiment original. Voilà, alors une petite particularité, ils travaillent sans gants et sans outils. Alors là. Pour faire ces 300 kilos de légumes. À la main, les doigts. La main. Il laisse pousser ses ongles aussi. Tout à la main. C'est pour ça. Ouais. Édouard en main d'argent. Et bien, du coup, en parlant de légumes, apparemment, il y a une fête des potirons sur Moucron. C'est une des sorties que tu vas nous annoncer maintenant, Marie. Oui, tout à fait. Donc, ça se passe demain, donc dimanche. C'est à partir de 11h, c'est la fête du potiron à la prairie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ça se situe rue de la Vellerie. C'est entre les pompiers et anciennement la cellule environnement, parce que maintenant, la cellule environnement a déménagé à l'hôtel de ville. Mm-hmm. Mais voilà, ça se trouve à la prairie. Donc, c'est à partir de 11h. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais en fait, il y a différentes activités à la prairie. Donc il y a tout ce qui est en rapport donc avec le jardin. Donc on peut aider donc la personne qui est en charge du jardin à récolter les fruits et les légumes du potager pour ensuite faire par exemple la soupe au potiron, la tarte aux légumes, toutes des choses bio complètement. Et voilà donc pour la partie jardinage. Après il y a tout ce qui est partie animaux. Donc il y a vous pourrez découvrir des lapins, des poules, des chevaux, des vaches, des chèvres. Vous pouvez aussi vous initier à la traite des chèvres, donc pour fabriquer le fromage. Donc c'est super intéressant. On peut aussi fabriquer son pain. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a encore? À partir de 15h, il y a le concert de Gadjo. Donc Gadjo, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un groupe cominois, c'est très festif. Donc pour ceux qui veulent juste passer une heure, ben, franchement, allez au concert. Vous pourrez aussi découvrir les mouscrobes dont tu... C'est ça la troupe d'impro de Moucron, voilà, les mouscrobes. Donc les jeunes en fait qui font de l'impro. Et les moins jeunes, hein, même la troupe adulte. Ah oui, pardon. Oui, oui. Non mais c'est vrai qu'il y a une troupe jeune et puis la troupe adulte aussi. Et donc voilà, on mixe un petit peu les deux. Et oui, tout au long du parcours, il y aura des comédiens, hein, des improvisateurs qui oui. Conteront un petit peu des histoires. Hein, parce que... T'es déjà allé, hein. Moi j'ai pu visiter justement cette prairie qui est très vaste, hein. Un petit mm-hmm. parcours aussi de balade, des structures en bois, des structures en pierre, des genres de gnomes qui sortent de terre et tout ça, c'est sympa, c'est un paysage un peu fantastique. Oui. Et donc il y aura des contes, des histoires, des guides. Bah oui, donc en parlant de ces structures, bah en fait la prairie c'est un centre d'expression créative, donc ces structures en fait elles rentrent totalement dans le projet, et donc il y a un labyrinthe, il y a une tour en fait où on peut apercevoir aussi les différents clochers de la ville, il y a différentes choses qui sont mises en place pour ça. Donc allez-y, c'est à partir de 11h à la prairie et ça se termine à 18h. Une bonne sortie en famille possible. Voilà, donc enfants et grands sont les bienvenus. Très bien, et oui, et c'est vrai que c'est un très bel endroit en plus, pour une très belle balade, plein d'univers et tout, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, une équipe très sympathique, très créative aussi. Voilà, exactement. D'autres sorties ? Alors d'autres sorties, ben là c'est plus personnel, donc je fais partie du Patro, donc c'est un mouvement de jeunesse et c'est la rentrée du Patro Centre Filles, donc qui se situe anciennement au Kennedy. Ben maintenant ça fait la deuxième année qu'ils se situent là, puisqu'avant ils étaient aux frères. Donc c'est la rentrée Patro à partir de 14h, c'est seulement pour les filles. Donc voilà, on reste entre bons gestes. Et si je viens en jupe? Et ben c'est pas possible. Tu peux venir faire cuistot. Mais si tu nous reconnais pas et qu'on vient déguiser. Oui. Faut bien être déguisé. Hein. C'est Léonie. Je me suis laissé pousser là-bas. Non, je l'aurais rasé d'ici. Ah, quand même. Et c'est pas pour te vexer, mais t'es un peu trop vieux. Ah bah, c'est de quel âge, quel âge? Attends, je te. Bah, c'est tout, tu parles plus. Ah non, je me suis trompé de micro, c'est celui-là. Voilà, maintenant on l'entend plus. Vas-y. Crie, vas-y, crie. Voilà, sa chronique est terminée. Merci Marie. Donc, la fête des jeunes filles alors? Oui, donc ça va. Ça va attirer du monde. Ouais. Est-ce qu'on peut attendre aux alentours de cette fête? On vous ramène, hein? Là tu fais peur. Ouais, c'est vrai. La police va débarquer. Bon, c'est à partir de 5 ans donc, et jusqu'à 16-17 ans pour être animé. Et si bien sûr il y en a qui veulent devenir animatrice. Ah oui, là c'est vraiment glauque. J'étais sur les jeunes filles. Voilà. Tu vois, tu participais, je pense, les jeunes filles comme toi, quoi, tu vois. Non, non, non, on a vraiment des enfants. Oui, oui. Ah oui, non, là, non, je retire ce que j'ai dit, alors je ne traînerai pas aux alentours. Voilà, à partir de 17-18 ans, on peut animer des enfants de tout âge, donc il y a différentes sections. Ah, il y a des animatrices quand même. Oui. Ah, ok, d'accord. J'y retourne. Oui, des filles. Majeures. Et vaccinées. Et consentantes, j'espère qu'on verra bien. C'est quand? Donc tu l'as pas dit. dimanche, si, donc demain. Ah mais il y a potiron ou jeune fille, qu'est-ce que je fais moi? Ah mais vous pouvez très bien inscrire, parce que le potiron c'est à partir de 11h. Oui. Et la rentrée pas trop c'est à partir de 14h, donc on peut très bien faire les deux. Et puis une inscription ça prend pas beaucoup de temps. Même les parents peuvent déposer leur fille, voilà, pour la journée. Et puis après aller au potiron boire un petit verre. Super. Et si les parents reviennent bourrés de la fête du potiron ? Eh ben, ils vont à pied parce que c'est pas très loin. D'accord. Et donc, ça se passe où, tu disais, pour rappeler ? Donc, c'est rue Cotonnière. C'est... Et qu'est-ce que vous proposez ? Bon, rue Cotonnière aujourd'hui avec les GPS. Ouais, rue Cotonnière. C'est à Moucron ? Oui, ouais. À Moucron. Et donc, qu'est-ce que vous faites comme animation avec ces enfants ? Ben, on peut faire des jeux en extérieur, des activités aussi un peu plus ludiques, comme par exemple la cuisine. On parlait de cuisine tout à l'heure, des bricolages, voilà, des soirées à thème, des soirées des après-midi à thème, des veillées, par exemple, veillées radiophoniques. D'accord. Voilà, tout ça. Mais faites de la mécanique aussi, faites des... Ah non. Je sais pas, des soirées jeux vidéo. Ouais. Non, il n'y a pas des soirées jeux vidéo. Non, on fait des soirées filles. Ah, les filles. Ouais, il y a des filles qui jouent et donc aux jeux vidéo. Ça, c'est dimanche, mais vous avez d'autres moments dans l'année aussi, il n'y a pas... Oui. Oui. Alors, pour le moment, donc, attendez, là, on est en septembre, octobre. Il y a le marché de Noël prochainement. Ouais. Donc ça, c'est plus tard en décembre. Après, il va sûrement avoir le souper planchette, mais j'ai pas encore la date. Tu nous en parleras au moment de cette sortie du coin-coin proximité. Tout à fait. Et pour pas laisser... Ben voilà, là j'ai fait la promo du patro. Maintenant, je parle des scouts. Parce que voilà, faut bien parler des deux. Donc c'est la... Ah, pourquoi ils sont concurrents ? Ben c'est pas concurrent. Il y a des bagarres dans les champs, des fois. Mais voilà. À Moucron, ça me fait penser à la guerre des boutons. On a différents mouvements du NES. Donc il y a les guides, les scouts, le patro, les stus. Donc ben voilà. On n'est pas en concurrence, mais c'est vrai. Mais c'est des cons. Mais on s'aime pas. Donc les scouts, non, qui sont pas cons d'ailleurs, les scouts. Non, on les aime bien aussi, les scouts. Donc là, c'est le dimanche 17 septembre. T'étais scout, Alain ? Un petit peu. Je suis pas resté. Donc le dimanche. Non, allez, je vais arrêter de faire ma mauvaise. Oui, attention. Allez. Donc le dimanche 17 septembre, à partir de 11h, c'est la rentrée chez les scouts du Risquons-Tout. Donc les parents et les enfants sont attendus à partir de 11h. Alors là, c'est accueil et verre de l'amitié. À midi, c'est repas convivial. Et à 14h, c'est activité familiale et cérémonie. Par cérémonie, je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Une balade, une retraite au flambeau. Intronisation. On verra bien. Oui, voilà. Ils verront bien, allez-y. C'est la surprise. Et à 17h, donc c'est la fin de la journée, donc c'est aussi la rentrée pour les scouts du Risquons-Tout. Et c'est... Oh, pourquoi je me rappelle le... Enfin bref, je sais plus, mais je la mettrai sur Facebook. Pourquoi cette information t'a échappé ? Ouais. Est-ce que tu filtres un petit peu ce que t'as envie de dire ? Peut-être. Est-ce que tu objectes ? Mais t'as raison ! Non, allez au patron ! Allez, fais-toi la pub, fais-toi plaisir ! Allez voir Marie au patron, c'est ça ? Oui. Ça veut dire quelque chose, pas trop, pour patronage, pas trop. Patronage, non ? Ben... Ouais, le patronage. Non, mais oui, ouais, parce que en France, ça s'appelait comme ça avant, quand t'allais le mercredi dans des centres comme ça avec des enfants, ça s'appelait le patronage. Voilà, ouais. Tu vois ? Je pense. Et je pense que c'est... C'est un ancien scout qui t'explique. Exactement. Très bien, merci Alain pour cette information. Bah tu reviendras, tiens, la prochaine fois tu nous diras pourquoi si c'est patro, ça, et puis un petit peu l'histoire du... Pas de soucis, avec grand plaisir. Ou c'est parce que quand il y a trop de monde, et après il en faut pas trop. Merci. Une autre sortie, Marie ? Oui, alors ben c'est la rentrée et on pense déjà aux vacances. Ah mais oui, c'est logique, oui. J'attends avec impatience. C'est quoi les dates déjà ? Donc voilà, si vous avez un peu le blues de la rentrée et que vous voulez vous faire des week-ends sympas le samedi et le dimanche, en fait, il y a... Holiday Suite, donc, qui vous propose une réduction de 20€ avec le code promo. Donc, on mettra aussi sur la page Facebook, parce que je vais le dicter, mais d'un côté, ça veut rien dire. C'est H-G-D... Attends, prenez un stylo, prenez un papier. Voilà, il va y avoir un code de promotion. Voilà, on laisse le temps aux auditeurs de... Voilà. Vous allez avoir des réductions. Voilà, il faut les attirer par l'argent, ouais. Tu vois. On va aller dépenser moins. Donc, il y a un code promo. Quel est ce code promo ? Alors, c'est H... H comme Hervé. S. S comme Sophie. G. Comme Guillaume. D. Comme Dimitri. S. Comme Sophie encore. Et 15. Comme 15. Quoi ? Comme le 15. Numéro complémentaire, le 15. Donc cette promotion, elle vous permettra de partir en week-end, donc au bord de la mer, pour passer les vacances de Toussaint, par exemple, ou même d'autres week-ends. Alors, dans ces résidences modernes, donc, il y a la Côte d'Opale, les Côtes belges, Bray-Dunes, la Panne, enfin bref, toute la Côte belge et française aussi. Voilà, et ça se trouve sur, vous pouvez retrouver tous les bons plans donc sur www.holidayssuite.fr. Très bien. Voilà. Et en fait, ils t'ont offert un séjour dans un palace et tout ça. Non, même pas, tu vois, je fais ça gratuitement. T'es sympa, Marie. T'es sympa. Allez, bon, on va se repasser un petit morceau de musique tout de même, on est un peu là pour ça. Et puis, ça sera Rue de la Paix de Zazie. Un lien avec la suite. C'est bizarre. Hein. Je sais pas. On retrouve donc Alexis, notre créateur, juste après, pour parler du Monopoly. En attendant, c'est Zazie qui en parlera du sien de Monopoly avec Rue de la Paix. A tout de suite. Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. Il y a dimanche chez Léon. RQC 95, effectivement, pour la page Facebook, mais on a aussi Il y a du monde chez Léon en page Facebook, où on retrouve toutes les informations qu'on donne pendant la matinée. Voilà, on essaye de les mettre à jour au fur et à mesure. Mais bien sûr. Et donc là, une transition avec Zazie, rue de la paix, qui est une case du Monopoly. Et donc on reçoit Alexis. Rebonjour Alexis. Rebonjour à tous. Rebonjour. Qui est créateur et qui a un projet autour d'un Monopoly moucronois. Et en attendant sa présentation, il y a Alain qui nous a concocté un petit quiz autour oui. du Monopoly. On va voir qui s'y connaît le mieux. Parce que j'imagine que tu as dû quand même étudier le Monopoly, l'histoire. Donc sur ton site internet d'ailleurs, tu disais qu'il y avait un petit peu de présentation et puis un peu d'histoire. Tout ça, ouais. Ça va être intéressant, je vais le faire sous forme de QCM. Donc j'ai quatre ouais. réponses possibles. Ouais. Tout le monde participe ? Tout le monde participe et pour commencer... Le quiz. Le quiz, maintenant c'est ton tour. Alors c'est parti. Quand ouais. Monsieur Monopoly est-il apparu pour la première fois ? À la limite même Alexis, si tu as la réponse avant que je donne... 1927. Voilà. Bon, alors, c'est rien du tout. 1933, ah. 1934, 1935, 1936. Ouais, mais là, c'est à l'année près, attends, c'est chaud. Et si tu n'écoutes pas forcément ce que j'avais dit, parce que j'avais fait toute une historique sur le Monopoly. Si j'écoute, je retiens pas tout. 1933. Et toi, tu t'en rappelles ? Tiens, t'as la date, toi, qui as fait cette chronique. Ah, oui. Hein ? Alors ouais, hein, j'allais dire 33. 33. Dis 33. Moi, j'aurais dit 34, parce que c'est la date à laquelle Hasbro a racheté les droits. Alors... Ah, il est. Non, Parker a racheté les droits. Pas d'autre réponse ? Benoît, on t'entend pas. Je sais que tu voulais pas beaucoup participer, mais je t'ai dit que j'allais te piéger donc. Mais moi je participe pas parce que je vois les réponses. Oui, c'est il est c'est bien. C'est un mec honnête. Tu vois ? Voilà, c'est un mec honnête. Au pif, j'ai 35. Il y a une petite astérisque à côté. C'est 1935, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'Alexis a dit. Effectivement, 1934, c'est la date. De création en fait, mais c'est le perso voilà. Parker a racheté les droits. Voilà, mais en fait, 1935, c'est la date où Monsieur Monopoly est apparu pour la première fois. Voilà. D'accord, donc je crois que c'est... Mais voilà, c'est 1935. Il y avait un attends, petit attends, piège. 1935, 1934. Retiens-le parce qu'on en parle dans 3 ans. Ok, très bien. Combien y a-t-il de cartes de propriété ? En purée. Alors, sans donner de réponse, je. Alors, 5, 11. 11 et 6, 17, 17 et 5, 22 propriétés. Alors toi, t'es à 22. Après, il y a les gares, plus 4. Il y a distribution des eaux et électricité, plus 2. Et puis, c'est tout. T'es donc à combien, là ? Le chiffre que j'ai dit, plus, 5, doit, plus 4, plus 2. Tu dois être à 26, hein, je pense. Alors, j'ai 20, 24, 28 ou 32 ? Je sais plus, alors je t'ai dit 5, 5, 10, 10 et 12, 22, 22 et 6, 28. T'as 28 ? J'ai 28. 28. J'ai 28, ouais, c'est, ouais, la, ouais, bonne, ouais, réponse. Mmh, c'est super. La bonne réponse. Oui, parce qu'il y a la taxe de luxe qui n'est pas une propriété, mais qui justement, avant de passer par la case départ, eh ben, nous plombe déjà de la moitié de ce qu'on va recevoir. Non, mais on voit. Il y a impôt sur le revenu après cette case départ qui justement nous plombe de ce qu'on a reçu de la case départ. Et il y a des cases communauté et chance qui ne sont pas toujours de la chance. Non mais on... Ah ouais, non mais j'ai bouffé du Monopoly. On voit que t'as bouffé du Monopoly, ouais. Je pense qu'il est incollable. Ouais. Moi je prends le chapeau, c'est mon préféré. Et puis, ouais. ouais. Mon frère prenait la voiture. Il pensait qu'elle allait plus vite. Eh ben non. Combien y a-t-il de cartes chance ? Attends, excuse-moi, j'ai oublié prison, parc gratuit et aller en prison. Ah bah c'est voilà, ça. Voilà, les cases t'as qui manquaient. T'as toutes les cases. C'est ça. Retiens-le. D'accord. Ça va servir après. Très bien. Combien y a-t-il de cartes de chance et de communauté ? Oh. 34, 36, 38, 40. Alors attends, il y a rendez-vous Henri Saint-Martin. Il y a... Tu vas pas toutes me les faire quand même. Vous sortez de prison. Il y a les frais médicaux. Il y a votre anniversaire. Ça devrait être a... une question, 38. Une question de rapidité. Hein. Moi aussi j'aurais dit 38. C'est 36. 36. Mince. À deux près. C'est pas grave. Combien y a-t-il de maisons vertes ? 32, 36, 40, 44. Alors tu peux mettre 4 maisons maximum par, propriété, sauf qu'il n'y a pas assez de maisons pour toute la truc. Donc non, je ne saurais pas te dire. Non. C'est quoi tes options ? 32, 36, 40, 44. Je vais dire 36, on est peut-être dans un chiffre 36 autour du Monopoly. Non, c'est 32. Combien y a-t-il Ouais, hein. C'est même pas drôle, en plus. Je me suis dit, on reçoit quelqu'un qui crée un monopole. Et là, je dois faire 32 maisons. Je dois faire. Bon, tu vas devoir. Tu comptes peut-être les hôtels rouges. Il y en a combien? 10, 12, 14, 16. 10 en 14. Il y avait combien de maisons? 12. 12. C'est bon. Ah oui, là, j'ai dit, j'ai oublié de rebrancher Marie. Allez, la facile pour Léon, peut-être même pour Alexis. Combien... Et pour les autres, non. Oh, si, peut-être aussi. Combien y a-t-il de pions? Oh merde. Bah, tu viens d'en citer quelques-uns. Le chapeau, la voiture, le cheval, le chien. Ouais, la brouette, ouais. La brouette, ouais. Après. Il y a le pied, non? Les chaussures. Ouais, la chaussure, ouais. Il y en a 7 ou 8. Ouais, c'est 8. Bah attends, regarde sur la boîte jusqu'à combien on peut jouer. C'est 8. Bah 8, bah oui, personne. Ouais, on est quand même un peu malin. Hein. Alors là, attention. Mais après, voilà, c'est le Monopoly classique, mais je pense que les Monopoly va avoir des pions exprès. Il nous en parlera. Ça, faire, hein. Ouais. Ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà, et apparemment, il n'y a pas. Alors, je sais pas si tu as recherché. Il n'y avait pas une question de justement en changer ou en enlever, genre enlever le chat ou enlever le. Je sais pas si j'avais pas vu un jour et ça avait fait polémique en disant non, on n'enlève pas un des pions du. Non, parce qu'on disait personne ne joue à 8 au Monopoly, voilà, on joue à 4, 5, allez, 6 maximum. Mais en fait, changer les pions c'est possible, mais il faudrait produire 100 000, 200 000 Monopoly parce que ça veut dire qu'il faut créer un moule. Ah, mais créer un moule ça coûte très très cher. Donc dans les productions où on est actuellement, on parle de 1000, 2000 pièces. Créer un moule, ça. Ça vaut pas le coup. Il faudrait vendre le Monopoly 200, 250 euros, ce qui est un peu ingérable. Ouais. Donc on garde les pions. Ah ouais, puis à ce prix-là, moi je fais une partie toutes les semaines, je veux rentabiliser mon Monopoly. Mais même pas tous les semaines, tous les jours. Ah non, c'est long quand même. Vas-y. En combien de jours la partie. En combien de jours la partie la plus longue de l'histoire? 99. Non, moins. 50, 60, 70, 80. 80. 70, allez. Ah non, mais il y a 99, c'est parce qu'il y avait une partie qui a duré 99 jours, mais pas d'affilée. Ah voilà. Ah oui. Ah, là, c'est vraiment. Là, ils n'ont pas mangé rien, ils n'ont pas. Si, quand même. Ils ont mangé en même temps. Ah ouais. En combien de langues le jeu est-il traduit? Bon, c'est difficile aussi, là. Oui, allez, donne-nous une autre question facile, là. Combien de billets dispose chaque joueur au départ? Ah, alors, on en a un de 500? Je ne sais pas du tout. On en a 5 de 100? Je personnalise Monopoly, mais j'y joue pas. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Alors, un de 500, 5 de 100, un de 50, 4 de 10. Non, plus. Plus. Plus. Je suis à 10. Je veux dire 15 billets. 20 billets. Ah, t'es bien, c'est 16. Ah, ouais. Tu vois, parce qu'après, il me restait. J'étais à 10, il me restait le billet de 5. J'accepte. Les deux billets de 2 et le billet de 5. Il faut comprendre, ils sont, entre guillemets, ils sont contre les chiffres impairs. Hein, quand on regarde 16, 32, 36. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Le plateau est carré. Vous êtes un peu psychotique, le gars qui a inventé ce bazar. Hein. Sauf pour Monsieur Monopoly, 1935. Ouais, mais c'est 5. Ouais. 5, c'est pile le milieu. Ouais. Entre 0 et 10. Ah, je suis un peu toqué aussi moi. Donc. Combien la propriété la plus chère coûte-t-elle? Alors en francs belges? En euros. Ou en euros. En euros, on est en euros maintenant. Je sais plus. 400 euros. Allez. Ah oui, bah tu vois, c'était plus cher. C'était pas un QCM à la base. Ah ouais, mais 350, 400, 450, 500. Après Alexis, je vais dire à la base, c'est toi qui devais présenter ton projet. Donc on s'est mis en bouche un petit peu sur ce jeu Monopoly. Ah, voilà, hein, c'est on a re, voilà, j'ai revu un peu quelques. On est affûté, hein. Ouais. quelques émotions de ma jeunesse. Une dernière question. Allez, la question subsidiaire. Alors là, attends, je vais essayer d'en trouver une bonne. Parce que c'était nul avant, c'est vrai. C'est bien, moi qui joue très peu au Monopoly, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. J'ai vu cette question-là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Combien coûte la carte satellite? Je sais même pas ce que c'est la carte satellite. Carte satellite, mais je sais même pas ce que c'est. Ah bah ça va alors, ça la carte rassure. Satellite. Ça me rassure. Attends, mais je vais faire des recherches. T'as fait des recherches, tu vas savoir m'expliquer ce que c'est quand même. Tu vas juste me donner le prix. Non, fais des recherches, moi je te donne le prix. Mais c'est pas par rapport à celui de l'espace. Ah, ils ont fait un Monopoly spécial. Ça passe dans le Monopoly Star Wars, qu'il y a la carte satellite. Ah, peut-être bien. Ou Star Wars, ouais. Peut-être bien. Bon alors, elle coûte combien cette carte? 1 500 000 euros. 1 500 000 euros. Non, ouais, t'es dans le Monopoly quand même. Non, je sais pas, ouais, tu vois, je suis comme je cherche sur Google. 125, 150, 175 ou 200. 200. 200, elle est chère celle-là. Hein. Ouais, 150. D'accord. Attends. Non, bah celle-là, elle me va pas comme question. Je veux une question. En 2005, Monopoly a fêté ses. 100. Bah non. En 2005, hein. Eh bah 70. Oui. 1935, 2005, moins de. Super. Excuse-moi, 70 ans. Une question, j'en ai encore une qui est intéressante quand même, c'est quand on tombe pile sur la case départ, que gagne-t-on? Alors je propose là, 200 euros, une propriété, on va en prison, ou on gagne 400 euros. 400. Quand... Voilà, c'est 400. Quand on tombe pile alors, dessus. Alors ça, c'est... Attends. Oui, tu vas me dire les règles diffèrent quand t'es en famille. Exactement. Hein, chacun fait ses règles. Parce que moi j'ai relu les règles, ouais. Voilà, parce que par exemple, quand j'étais plus jeune, quand on... y avait certaines taxes qu'on mettait au milieu. Et quand on tombait sur parking gratuit, on ramassait. Ouais. Et ben ça, c'est une règle, encore une fois, inventée par les gens, comme certaines règles du baby-foot qui... Ah, le baby-foot tu ramasses pas normalement. Et ben, non, tu mets rien au milieu, ça va tout va à la banque. D'accord. Ouais. Donc après, est-ce que les règles ont été adaptées, ont changé au fur et à mesure? Je sais que maintenant, il y a des règles pour faire des parties gratuites, hein, parties rapides. Ouais, avant, je sais que moi, par exemple, quand on jouait... On devait attendre que tout le monde ait acheté les propriétés pour commencer à faire des échanges, des transactions et acheter des maisons et tout ça. Et ben dans l'arrêt que j'ai lu là, parce que j'ai rejoué, non, dès que tu as trois terrains, même si toutes les propriétés n'ont pas été vendues, n'ont pas été distribuées sur le plateau, tu peux commencer à mettre des maisons, peut-être justement pour raccourcir les parties. Ou après tu peux faire des parties rapides où en fait au hasard tu distribues les cartes aux gens. Et après on découvre le jeu qu'on a, on fait des transactions, des échanges, des achats, des ventes, et puis ça va un peu plus vite. C'est long une partie. À la maison, j'ai un Monopoly, je vais dire semi-électronique, où tu te laisses guider par une voix en fait. D'accord. Et effectivement, tu peux faire aussi des parties rapides. Et c'est vrai que c'est parfois intéressant, comme tu dis, on n'a pas forcément tout le temps le temps de jouer à des parties qui ne terminent plus, quoi. Allez, on retrouve Alexis pour entrer dans le vif du sujet du projet. Après Johnny Cash, I Walk the Line. A tout de suite. Myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Because you're mine, C'est une musique toute calme pour un auditeur qui aime bien Johnny Cash. On l'aura, je pense, tout à l'heure au téléphone. Johnny Cash, I Walk the Line. Et on se retrouve donc avec Alexis qui va vous présenter le Monopoly Moucron. Alors pour l'instant, on est en phase de création. Donc on recherche encore quoi mettre sur le plateau, quoi mettre sur la boîte, avec qui le dessiner, avec qui le réaliser. On a envie que ce soit un Monopoly qui soit entièrement local, donc avec un graphiste local, un réalisateur local, et bien sûr des entreprises locales. Et le but est de le sortir dans la dernière partie de l'année 2018. Pour les fêtes. Pour les fêtes. Ouais, c'est une bonne période. Alors après, voilà, c'est un projet comme, voilà, t'as déjà ton échéance, un petit peu ce que tu as besoin. Mais qui es-tu d'abord? Parce qu'au final, c'est bien beau d'avoir des idées, mais c'est bien aussi avoir un petit peu d'informations sur le créateur. Voilà, Frankenstein, le docteur Frankenstein, c'était intéressant de savoir qui il était avant de voir sa créature un petit peu zarbi. Voilà, il faut la création et son créateur, c'est important d'avoir les deux ensemble. D'accord. Donc je t'appelle Alexis, ans, ça je l'ai ouais, dit. Je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans, j'habite ouais. à Hatt. Ouais. Je suis à l'université de Mons, j'étudie la gestion et l'économie. Je rentre en deuxième et je travaille avec mon père, donc Alain François, dans la société Harol Édition, qui est une société spécialisée dans l'édition de jeux de société. C'est votre société ? C'est notre société. Ouais. Alors, on a créé deux jeux et maintenant on personnalise des Monopoly qui sont spécialement des Monopoly sponsorisés. Ensuite, tu as créé deux jeux de Monopoly ou d'autres jeux? Non, d'autres jeux complètement différents. C'était un jeu sur le thème des dents. Des dents. Des dents. C'était un jeu ludopédagogique qui permettait d'aborder le thème des dents et des soins dentaires. Auprès des enfants? Auprès des enfants, bien ou sûr. Ou des vieux? Des enfants. Faut prendre soin de vos dents, hein. Polis dents, vos fausses dents, mais faut prendre soin. Non, les enfants, c'est bien, donc... Qui a bien marché. Ouais. Et on a vendu quand même pas mal. Et un autre jeu qui est un jeu réellement collaboratif, je dirais qu'un des premiers jeux entièrement collaboratifs avec différents niveaux, qui s'appelle Ebus, le jeu sur les dents s'appelle Titrun. Et c'est un jeu très chouette qui est sur le thème de l'école, où c'est un peu, disons, dérivé du Milborn. Mais quand on y joue, on ne se rend pas compte, mais c'est sur base de ça qu'on l'a transformé et au fur et à mesure des heures, on arrive à ce projet. La premier moment où vous avez dit tiens on va créer, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi ce moment? Et ben en fait on a rencontré quelqu'un qui faisait des Monopoly. Ouais. Et donc on a on s'est lié d'amitié avec lui et par la suite on s'est associé avec lui, on a fait le Monopoly Hatt. C'est avec lui qu'on a fait le Monopoly Hatt de la ville de Hatt, donc qui existe déjà, qui sort le 12 novembre, qui ouais. est déjà sold out. Et alors pour ceux qui ne sont pas anglophones, hein, sold out c'est pas les soldes du mois d'août, hein? C'est pourri comme jeu de mots aussi. Il n'y a pas de soldes au mois d'août. C'est-à-dire que c'est vendu. Tous les exemplaires que vous aviez mis à disposition. Tous les exemplaires sont vendus. Il doit en rester encore quelques-uns, mais c'est pas sûr. Il faut nous contacter sur notre page Facebook si vous souhaitez encore en avoir. Mais a priori, il n'y en a plus du tout. Et ça sera une édition limitée, c'est-à-dire que. Il y a 1500 exemplaires. Et c'est fini. Et c'est fini. Ça va être collector. Il n'y a pas de relance. Il n'y a pas de relance. C'est un collector, donc. Donc voilà. Donc vous avez rencontré ce monsieur, et puis pourquoi Monopoly ça aurait pu être un autre jeu de société? Bah parce que Monopoly c'est le jeu de société mythique, c'est quand même le jeu le plus vendu et le plus joué encore à l'heure actuelle. Depuis 1935. Depuis 1935. Et c'est celui qui permettait le plus de possibilités, parce que quand on arrive dans une ville et qu'on leur propose de faire un Monopoly, donc quand on le propose à la ville de Moucron, à la ville d'Hatt, en fait la ville ne débourse pas un centime. On arrive à financer absolument tout le projet avec le sponsoring. Et le sponsoring commence aux alentours de 150 €, ce qui permet en fait aux petites entreprises d'être quand même présentes sur Monopoly. On essaye que les entreprises locales, donc même les petites chaînes, soient présentes. Ça doit être difficile de choisir ça justement, si t'as du monde comme ça qui vient se présenter pour dire moi je veux une case Bah alors Monopoly. Effectivement il faut quand même rester correct, on essaye de pas avoir de concurrence à différents niveaux. Par exemple sur le Monopoly Date, si je trouve, parce que j'ai le plateau juste devant moi, il y a la chaise d'Elmé, qui ne fabrique pas des chaises mais des cuisines. Ouais. On a été bien sûr chez eux avant d'aller chez Xina, chez Krefel. On a envie d'avoir des petites entreprises et il n'y a pas d'autres cuisinistes sur le plateau. D'accord. D'accord. Et puis c'était plus, voilà, il y avait au niveau local. un intérêt local. C'est très local et nous, on n'a pas, par exemple, envie d'aller chez Bricot. On n'a pas envie de faire un Monopoly Micron avec Bricot dessus. Non. On a envie d'avoir des entreprises locales, que les gens disent « Ah, là, c'est là que je vais faire mes courses, c'est là que j'ai fait ma cuisine. Ouais. » Que les gens s'y retrouvent et se disent « Ah, j'ai acheté la case de… » Et ça donne un truc en plus que juste des grosses entreprises. Ouais. Parce qu'il faut savoir donc, que les cases ne sont pas des rues. Les cases ne sont pas des rues. Comme au Monopoly, on a des rues de Paris, le Monopoly classique. Là, c'est pas le nom des rues, c'est des noms de commerces, d'entreprises, exactement, de la ville. Voilà. Donc là, il y a eu HAT, et donc là, maintenant, ça va se faire sur Moucron. Sur Moucron, on ne sait pas encore comment on va marcher, comment ça va fonctionner. On est en discussion avec les autorités et l'office du tourisme pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'il soit beau, qu'il soit agréable à regarder. Par exemple, sur le Monopoly HAT, on a associé en fait chaque commerce avec un groupe du cortège. Ce qui fait qu'en fait on a la devanture du commerce en fond. Ah ouais. Et ensuite on a le groupe devant. Donc par exemple ici on a la confiserie Pilate avec le groupe devant et on voit la devanture derrière confiserie Pilate. Ce qui fait qu'en fait le sponsoring est entre guillemets caché, mais très visible. Mais pour le joueur, ce qu'il voit n'est pas en premier. Enfin si, disons qu'il voit le logo, parce que c'est quand même le nom, mais ça lui rappelle autre chose que juste l'entreprise. Il ne joue pas avec des entreprises, il joue avec un cortège et avec tout le folklore. Genre par exemple, sur Moucron, on va bien sûr mettre le hurlu. Mm-hmm. On a envie de faire le Monopoly en bande dessinée parce que ça permet de beaucoup plus de choses. On n'a pas envie de le faire en photo, sinon ça ferait un patchwork et ce serait pas très beau. On est en discussion avec Jean-Marc Rings pour le dessiner et avec d'autres bureaux graphistes, et on laissera les citoyens décider. On fera aussi un questionnaire pour savoir ceux qui veulent voir sur le plateau, les entreprises qui veulent voir, les gens qui ont envie qu'ils réalisent le graphisme et tout ça. Si tu as deux boulangers qui veulent apparaître, et ben c'est-à-dire on essaye de s'arranger avec eux. Par exemple, à chaque fois ici, il y a deux cases à 300, deux cases à 260, et pour ne pas les mettre en concurrence, ne pas en mettre un plus cher et un autre moins cher, on va chez les deux et on leur dit vraiment, par exemple, si je vais chez Ansens et Pierre Alain, on leur dit voilà, on a envie de vous mettre tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord déjà de 1 et de 2, comment on s'arrange? Est-ce qu'on vous met par exemple sur les cases service, donc vous êtes au même niveau, ou on vous met sur des cases au même prix de sorte qu'il n'y ait pas une différence à ce niveau-là? Eh oui, parce que même, même pour leur fierté personnelle, ils pourraient se dire, mais moi, je vaux moins cher que le concurrent et tout ça. Puis après, ils pourraient se dire, mais le public, il va croire que comme c'est plus cher, mon concurrent, c'est peut-être meilleur, et puis perdre de la clientèle et ne pas être trop content, même si c'est des a priori. Même si en même temps, sur le plateau, la visibilité est la même, qu'on soit rue de la loi ou alors la toute première qui est du plateau. Donc là, vous êtes en phase de projet, il y a déjà celui d'HAT qui a été fait. Donc la réalisation, alors je sais pas, tu vas peut-être me dire, mais est-ce que c'est toi qui découpe du carton, qui crée des petites maisons en plastique? Comment ça fonctionne en fait? Le Monopoly est créé en fait dans l'usine Hasbro, donc en Irlande. La propriété du nom, la marque déposée Monopoly, c'est eux qui produisent. Exactement, c'est eux qui produisent dans leur usine, donc c'est un vrai Monopoly qui est dans une qualité Monopoly. On est soumis à des restrictions, par exemple, on ne peut pas mettre d'alcool. Ici, sur Monopoly HAT, je pense qu'il y a un verre de bière qui est vide. Ah oui. Et ça s'est passé, mais a priori, l'alcool, ils n'aiment pas. C'est à base, Monopoly, c'est un jeu pour enfants. Oui, donc, c'est vrai. Il y a certaines choses à respecter. Il y a deux semaines de tests, de vérification plutôt, où ils regardent tout au niveau dessin, que ce soit au niveau du dessin en lui-même, donc s'il est beau, s'il est bien dessiné, et surtout au niveau de la qualité, parce que c'est qualité Hasbro, ils ont un certain standard, et donc ils veulent que ce soit une qualité disons supérieure. D'accord. Donc on a toute une mise en place stricte. Et mais tu leur envoies une maquette, tu leur envoies un fichier graphique. On leur envoie le fichier dans le voilà, moi je suis pas graphiste, donc je ne sais pas exactement vous dire les termes, mais on leur envoie le fichier dans les bons formats. Ouais. Et donc on leur envoie tout en fait, et ils vérifient juste quand le produit est fini, ils vérifient tout. Qu'il manque rien, que ça soit cohérent. Une case, un truc comme ça, qu'on ait bien tout mis à sa place, qu'on n'ait pas oublié un logo. Et ensuite, c'est la production. Il y a toujours une prison ? Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il y a des exigences, exactement. Justement, des cases que tu n'as pas le droit de changer. En fait, dans le Monopoly, ce qui est déposé, c'est les quatre coins. Ouais. Donc la case prison, la case départ, donc la case policier et la case parking gratuit. Ouais. Ce sont les quatre cases qui sont déposées. Et également les codes couleurs. Les codes couleurs, donc, d'accord. En fait, ah, oui. Donc vert, jaune, rouge, orange, rose sont les codes couleurs qui sont déposés. Donc en fait, il y a les règles, les codes couleurs, les quatre cases les quatre coins. qui sont déposées. Donc on peut pas en déroger, ce sera toujours les mêmes codes couleurs, les mêmes cases et surtout les mêmes règles. Ouais, ça c'est important. Donc les cartes chance et caisses communautés sont en rapport avec la ville ou avec juste avec les noms du plateau ? Sont en rapport soit avec la ville, soit avec le nom du plateau. Par exemple, il y a une carte qui dit rendez-vous, par exemple, disons rue de la Paix. Et donc du coup, vous devez aller sur rue de la Paix et payer rue de la Paix si la personne l'a acheté. Et donc ici, par exemple, au lieu d'avoir rendez-vous rue de la Paix, il y aura noté rendez-vous la jardinerie de Belœil. Ou inversement, il y a des cases cartes communautés, donc qui donnent des bonus. Il y en a une qui dit qui vous donne de l'argent, je ne sais plus exactement quelle est la formulation. Des fois, c'est impôt reçu sur les dividendes, machin, recevez, machin, ouais. Et ici, par exemple, ce serait l'agence Atimo a obtenu un meilleur loyer pour votre appartement, ah ouais. Vous recevez 200 euros. Ah ouais, donc, bien. On adapte absolument adapté, toutes les cartes, et donc ça revient également dans les cartes. On reste vraiment quand même tout au long du jeu imprégné du local. Voilà. Parce que si c'est vrai que c'est pour tirer des cartes chance ou communautés qui sont basiques et un petit peu en dehors de l'esprit du jeu, c'est difficile de rester dedans. Je voyais pas trop l'intérêt, mais c'est bien que ça soit on change absolument bien toutes adapté. On change absolument toutes les cartes qui sont en lien avec une case. Enfin, tout ce qu'on modifie, on le modifie bien sûr en lien. Alain, Lissou, Marie, Benoît, tu peux réagir aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité, justement, sur le Monopoly pour l'instant ? On l'interviewera après sur ce qu'il a besoin. Ok. Ouais. Bah, moi, j'ai une question. En fait, donc, tu fais tout sur Moucron, donc ça comprend Erzo, Dottigny, Luigne, tout ça. Et je me dis, bah, par exemple, voilà, il y a beaucoup d'agences immobilières. Et ben, comment tu vas faire, en fait, pour en choisir une, est-ce que tu vas te prendre en compte l'avis, par exemple, des habitants en disant, bah voilà, là j'ai une liste de 5 agences immobilières, bah, laquelle vous préférez, et comme ça je la mets sur le plateau, ou alors comment tu fonctionnes ? Mais je dirais que faire ça serait assez compliqué de demander l'avis sur chaque case, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et je pense, franchement, ce serait très compliqué. Mais par exemple, on a des demandes spontanées, et donc... Logiquement, l'agence immobilière qui vient vers nous en nous disant « nous, on veut y être » sera prioritaire comparé à celle que l'on doit contacter, ce qui est tout à fait logique. Donc je dirais que la sélection se fait d'elle-même par les gens qui ont envie d'y être. Donc je dirais, si vous avez des concurrents, venez vite. Venez vite, envoyez-nous un message sur Facebook, venez sur notre site internet, contactez-nous et vous êtes sûr d'avoir une place sur Monopoly. Ce qu'on propose également, c'est d'avoir différents niveaux de sponsoring. Donc on a les niveaux sur la boîte, sur le plateau, sur les cases et sur les cartes communauté et chance. Très important, on ne veut surtout pas faire un Monopoly qui ressemble à un set de table. On veut faire un beau Monopoly. Oui. On veut pas avoir des cartes de visite. On n'aura jamais, par exemple, ici à côté du truc, on aura une carte. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Verte à côté qui nous sort complètement du décor. On va complètement dessiner. On pourra, par exemple, imaginer d'avoir un jeune avec un t-shirt et que sur ce t-shirt, il y ait un logo d'une entreprise et que ce qu'il fasse sur le plateau rappelle cette entreprise, mais jamais on ne va mettre une carte de visite avec le logo, les coordonnées. Il est hors de question de faire un set de table. On veut faire un beau Monopoly et que les Moukrona soient fiers de ce Monopoly, qu'il soit beau et que ce soit vraiment un objet de décoration. Ok. Et est-ce que tu insères aussi, par exemple, les événements de la région, comme par exemple, ben voilà, je pense aux Hurlus, à la Fête de la Main, aux 24 heures, ben voilà, qui sont devenus un peu une institution culturelle dans la région. Ou alors pas du tout, voilà, est-ce que les événements tu les mets de côté? On a envie de mettre les événements dessus, on a vraiment envie que les... Ce que j'ai déjà dit, que les Moukronois... que le Monopoly représente leur ville, donc que ce soit par les monuments, par les entreprises, et bien sûr, Par exemple, par la fête des Hurlus, on va mettre des géants, on va essayer de représenter des scènes mythiques s'il y en a. Mmh. On se renseigne auprès, on va voir le musée, on va voir le chef du. L'office de tourisme, tu disais. Le centre Brice Taquet aussi. On va se renseigner pour effectivement de passer à côté de rien du tout. Okay. On a envie qu'il soit complet et en même temps pas trop chargé. Donc on veut savoir quelles sont les choses importantes, moins importantes, pour faire du bon travail. Ouais. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être beaucoup, beaucoup de choix, mais il faudra renoncer à certaines choses et puis effectivement aller à l'essentiel. Et c'est peut-être là aussi que jouera le sondage auprès des Moucronois. C'est effectivement ça le but des sondages, c'est de savoir au-delà de ce que nous on pense être prioritaire, ce que eux trouvent être prioritaire. Lilissou ? Moi j'ai une question parce que c'est vrai que Moucron, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de choses comme ça. Est-ce que les associations peuvent être représentées dans ce Monopoly ? Parce que c'est vrai que on. Les événements sont liés avec des associations, des choses comme ça, et les associations font partie du milieu. Voilà, c'est à Moucron, il y a beaucoup de gens qui font partie d'une association, ils la défendent corps et âme, et s'ils veulent apparaître, est-ce qu'ils ont possibilité d'apparaître ? Mais bien sûr qu'ils ont la possibilité d'apparaître, il suffit de nous contacter, et nous, si on nous dit que c'est important, et que plusieurs personnes nous disent que c'est essentiel qu'il y ait des ASBL qui soient présentes sur le plateau pour une raison ou pour une autre. RQC ? On va aller. Mais c'est tout à fait possible qu'RQC soit sur le plateau. En tout cas, il faut participer au sponsoring. Tout à fait. Donc la tranche du sponsoring, elle est. C'est à partir de 150 euros, donc c'est tout à fait accessible, même pour une petite entreprise. Ça, c'est pour une case, pour être sur une case. Non, ça, c'est pour être sur une carte caisse de communauté ou une carte chance. Et pour être sur. Une des cases ? Une des cases, j'ai pas les idées, j'ai pas les prix en tête parce que c'est pas moi qui m'occupe de la commercialisation des sponsors. Donc il y a une étude qui va être faite après par rapport aux besoins. Mais si quelqu'un est intéressé, il peut nous contacter et on a créé une page spéciale sponsor sur Facebook. Ouais. Et donc ils auront tous les documents, toutes les informations pour faire le choix si oui, ils s'engagent ou pas. Geoffrey, Rico, si vous nous entendez. Oui. On a un comptable qui est assez dur en affaires sur RQC, mais ça peut être un bon investissement. Hein, pourquoi pas. Ce qui est très chouette, c'est qu'un Monopoly, ça se garde très très très longtemps. On a tous un Monopoly familial. Nous, notre Monopoly familial, il date des années 80-85. Un Monopoly, ça se garde longtemps. C'est pas comme un magazine où on fait une fois une pub et la personne le regarde, le feuillette, puis le jette à la poubelle. Là, on joue et on rejoue. Pour les cases, on a la carte propriété, donc on a le logo sur la carte propriété. Donc c'est. Qui s'est un peu effacé avec l'âge. Mmh. Il y a du Chatterton autour de la boîte. Il manque des maisons. Il est où le chien ? Je veux jouer avec le chien et le chien. Non, mais faut lancer un défi à Rico. Hein, Rico, Geoffrey, ouais. Pourquoi pas RQC sur le Monopoly Moucronois ? Eh bien, on se retrouve alors juste après un petit morceau et tu nous diras justement de quoi as-tu besoin maintenant pour aller un petit peu plus loin dans le projet, puis pour le concrétiser pour fin 2018, mi-2018. Ça te va ? Ça me va. On fait une petite coupure, voilà, on parlera sous-sous après, parce qu'on parlera un peu de sous hein, pour l'époque. Pour ça, pour les besoins, c'est souvent, on a besoin de ça, c'est le nerf de la guerre, on a besoin d'argent. Et puis bah voilà combien ça coûtera aussi, hein. T'as besoin d'argent, mais nous on veut savoir combien on va l'acheter. Et donc voilà, on se retrouve juste après Anna de Téléphone. We'll be right back. QC de la radio à gogo. Il y a du monde chez Léon. Et on est avec Alexis, le créateur du Monopoly Moucron. En tout cas, créateur pour l'instant dans l'idée. Le projet est bien avancé. Il y a une envie de produire pour que ça puisse être opérationnel et en vente mi-2018. On a pris un peu plus sur le Monopoly avec le quiz d'Alain. Et donc là, tu nous disais, voilà, on peut apparaître sur le Monopoly. Tu es à la recherche. Je suis à la recherche d'entreprises qui souhaitent être sur le Monopoly, qui souhaitent nous sponsoriser, qui souhaitent être partenaires. Et nous sommes à la recherche également donc, de graphistes, illustrateurs. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et surtout de personnes qui nous donnent leur avis sur Facebook. Pour nous aider dans la création, parce qu'on va faire participer la population tout au long du travail pour pouvoir nous situer, savoir si on va dans la bonne direction ou au contraire qu'on fait complètement fausse route. Il faudrait que les gens soient très attentifs à ce qu'on poste sur Facebook, aux différents sondages que l'on fait. On fait des sondages. La page Facebook qui s'appelle Arole Édition. Arole, donc comment ça s'écrit? A-R-O-L-E. Arole Édition, vous tapez sur la recherche dans Facebook et puis vous allez trouver facilement. On trouve tout de suite. Voilà, il y a une illustration, une photo de Monopoly, on trouve. C'est sur notre page Facebook, on l'a. Ça vient d'être mis. Et puis après, alors pense-y, hein, y a pas mal de pages de la ville de Moucron, enfin voilà, des gens qui ont créé. T'es un vrai Moucronoissy, Moucron Info, voilà, il y a le musée du folklore hein, à sa page, hein, si c'est un de tes partenaires, l'office du tourisme à sa page, si c'est un de tes partenaires pour t'aider à faire. C'est vrai que la communication aujourd'hui sur Facebook, les réseaux sociaux, c'est important. Je sais pas s'il y a un Twitter aussi, Instagram. Il faudrait s'y mettre, Pinterest. Mais on n'a pas encore tout ça. Tu parlais tout à l'heure que ne pouvait apparaître des verres d'alcool pleins, tout au moins. Et je vois que là, justement, pour le Monopoly Moucronois, vous devez rencontrer Monsieur Gaden, où ça a été fait, peut-être. On a déjà rencontré Monsieur Gaden. Et lui exige aussi qu'il n'y ait aucun magasin de tabac. Tout à fait. Hein, c'est ça. Voilà, c'était pour faire le rapport avec le... C'est également pour ça qu'on va voir les autorités, pour savoir ce qu'ils veulent voir et surtout ce qu'ils ne veulent pas voir. C'est ça, il y a le légal d'un point de vue, voilà, la marque qui a ses règles. Mais il y a aussi, voilà, comme tu dis, tu veux mettre en valeur la ville de Moucron, donc l'idée c'est aussi de se rendre compte des gens qui dirigent la ville, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, effectivement. Et toujours dans l'idée que c'est un jeu à la base pour enfants, pas de tabac. Mais à la base, ce n'était pas du tout un jeu pour enfants. C'était un jeu pour contrer le capitalisme. C'était un jeu pour lutter contre l'instauration d'une taxe foncière. D'accord. Et en fait, c'était une dame qui était... J'ai fait des petites notes. C'est bien. Mais en fait, c'est toi qui aurais dû faire le quiz. Qu'est-ce que j'ai demandé? Oui, c'est vrai. Elle était secrétaire et sténographe. Et en fait, en 1903, elle a fait un brevet pour The Landward Game. Et en fait, c'était effectivement pour lutter contre l'instauration d'une taxe sur la plus-value foncière. Donc pour faire prendre conscience aux gens des dangers du monopole, en fait. Et en fait, c'est en 1934 donc, que Charles Darrow récupère l'idée en changeant un peu l'idée. Pique le brevet, en fait. Non, parce qu'elle avait... Elle n'a pas déposé de brevet. Si, elle avait déposé un brevet. Selon mes sources, il me semble qu'elle avait déposé Elle l'a pas déposé, elle l'a simplement dit l'idée et tout. Et lui, il a déposé vraiment le brevet du jeu pour aider. Parce qu'elle, elle s'en foutait de l'argent, en fait. C'est probable, mais en fait, Charles Darrow, il a changé... Quelques trucs. Elle avait... Elizabeth Magie avait mis des casques qui étaient par exemple sociales, donc il y avait des choses plus intéressantes qu'on pouvait pas acheter. Donc par exemple, la compagnie des eaux, c'était pas la compagnie des eaux, c'était par exemple une ASBL pour les enfants, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Mais c'était des choses avec un rôle plus social. Et bien sûr, on n'achète pas une ASBL. Sauf que monsieur Charles Darrow a changé certaines choses pour... Il a un peu dénaturé le Monopoly, enfin l'idée de base du Monopoly d'Elizabeth Magie. Et en fait, il a vendu donc l'idée à l'entreprise Parker pour $500. Ouais. S'il avait su. Ah, s'il avait su. Ah ouais. Parce que lui aussi, finalement. Mais ça existe, hein, des gens comme ça qui ne sentent pas le coup et qui veulent se débarrasser. Et puis après, le mec est un créateur, un gars qui a des idées, un gars qui a un réseau et il en fait des millions. Et... Si j'avais su. On parlait, on a fait en début, c'était en fin d'année dernière, une chronique sur le hand spinner. Oui. Notamment, voilà, qui était dédié au départ plus au niveau thérapeutique pour les enfants autistes. Et la personne qui l'a créé, n'a, elle, pour le coup, pas déposé de brevet. Et ce sont les sociétés. C'était vendu sur des sites. Et puis, un gars d'une société de jouets a vu ça. Il dit : mais ça, c'est génial, il me le faut. Et là, ça, il s'est fait de l'argent, lui, en déposant le brevet. Enfin, l'effet est retombé aussi, là, hein, t'as vu ? Oui, c'est tout. Et donc, vas-y, on continue. Donc, de quoi as-tu besoin ? Donc, les sondages sur la page. Mais pour les besoins, je dirais que c'est tout, que les gens soient proactifs. J'ai pas encore dit le prix. Oui. C'est donc 60€ en prix plein. C'est une bonne moyenne parce que je pense que c'est pas le plus cher des Monopoly existants. Non, hein. C'est pas du tout plus cher. J'ai une série de listes, série de prix que je vous donnerai après. Mm-hmm. Donc c'est 60€ en prix plein, donc après sa sortie. Et il est à 50€ en pré-vente sur notre page Facebook, la boutique de notre page Facebook. Mm-hmm. Et je dirais, n'attendez pas la sortie, parce que par exemple, sur Rad, c'est le 12 novembre, donc il est déjà sold out quelques mois avant. Ouais, donc ouais. N'attendez pas. Et à tous ceux qui précommandent déjà le Monopoly, merci de nous faire confiance, parce qu'il n'est pas en... Il est encore... Il n'est pas encore produit. Il n'est pas terminé, voilà. Il n'est pas encore terminé, mais c'est grâce aux gens qui achètent ce Monopoly qu'on est plus à l'aise dans notre travail, parce que... Ça, c'est très très long, c'est très très long à créer, très très chouette, très agréable à créer. Et les retours qu'on a quand on crée un Monopoly sont vraiment très positifs. Mais c'est très long, ça prend quand même près d'un an. Donc, ça coûte combien à la base un Monopoly ? Ben, en fait, un Monopoly normal, c'est entre 20 et 40 euros. 40 euros, c'est pour la version électronique. Ouais. Le Monopoly Dragon Ball Z, il est à 50 euros. D'accord. Le Star Wars, disons classique, il est à 60 euros. Le World of Warcraft, il est à 50 euros. Le Walking Dead, 65. Walking Dead aussi. Ouais, il y a un Walking Dead. Ah ouais. Qu'est-ce que t'achètes ? Une station service désaffectée. Le Mario Bros à 75. Et Star Wars a fait un tirage un peu plus limité que leur Star Wars de base qui coûte 125 euros. Ah, j'ai vu, il y a des Metallica. Oui. Waouh. Mais ce qui est très. James Bond 007, Pirates des Caraïbes. Moi j'en ai deux, dont un qui commence à reprendre la valeur parce qu'il a été édité un peu d'exemplaires, c'est le Zelda. Et là maintenant, si je le revends, je peux le revendre beaucoup plus cher parce que c'est ça a été édité en petite quantité par rapport au prix que je l'ai acheté. On ne revend pas le Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les monopolies que je viens de citer sont des monopolies qui sont produits il y a des centaines de milliers d'exemplaires. Ouais, par Hasbro, directement. Soit Hasbro directement, soit. Par Winnymove ou une autre société qui est en lien avec Hasbro. Mais nous, on ne produit que 1000 ou 1500, minimum 1000 pièces, mais pas 100 000, donc les coûts de production ne sont pas les mêmes non plus. Ouais. Donc je pense que nous ne sommes pas très très chers comparé à ce qu'ils font. Alors après, il y a des adages qui disent tout ce qui est rare est cher. Enfin, mais comme tu dis, c'est tout le monde n'aura pas le Monopoly Moncronois. Et je veux dire, quand tu le sors, tu l'as chez toi, t'as des amis qui habitent le coin ou tout ça. Ouais. Tu dis voilà, on va jouer. Et puis tu joues au Monopoly Moncronois. Mmh. Ah tiens, il y a un petit attrait, un petit intérêt. Oui. Ah bah tiens, tu l'as acheté où ? Ah bah tiens, c'est rigolo. Ah bah tiens, ça je connais. Mmh. C'est vrai que on n'est pas dans le jeu, on sera pas dans une partie classique. Mmh. Voilà. Donc effectivement, après, on est un petit peu dans du hors du commun. Donc effectivement, ça s'ouvre un petit coup supplémentaire, mais c'est l'investissement. C'est l'investissement. Parce que s'il est sold out, en plus, il peut prendre beaucoup de valeur. Je ne sais pas comment évoluera le prix du Monopoly Yacht. Ouais. Mais si quelqu'un a vraiment envie Monopoly Yacht et que quelqu'un décide de le revendre, je ne sais pas à combien il sera d'accord de le racheter. C'est un marché parallèle, ça, après. Mais il y a du trafic de Monopoly. C'est trafic de Monopoly, c'est du marché noir. Après, il y a les collectionneurs qui veulent. Mais il n'y en a pas beaucoup. On en a rencontré un à qui on a offert le Monopoly. D'ailleurs, il y a un musée qui se tient en ce moment à Charleroi et il expose une partie. De la collection de ce monsieur, je me souviens plus du nom, c'est dommage, j'aurais dû le noter, qui est un anglais et qui en a beaucoup, qui est dans le Guinness Book des records, qui doit en avoir 3000 de nos verres, quelque chose dans ce genre là. Recherche rapide, Alain, clic le. T'avais l'info ? Non. Merci, Alain. Ouais. On peut vraiment compter sur toi, Alain. Non, mais voilà, il y a des collections. Je t'ai dit, cherche l'info, il me fait oui. Non, genre, je me dis, c'est qui là alors ? Et en fait, non. je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que, je veux dire, il y a des gens qui collectionnent des timbres, il y en a qui collectionnent des Monopoly. Donc, s'ils ne sont pas en ils suivent pas l'actualité de votre boîte par rapport au Monopoly Moucron ou Monopoly Hat, c'est après, voilà, et peut-être dans les bigorniers, la personne qui va vendre ça, parce que, bah voilà, elle doit se faire de la place, elle doit se faire un peu d'argent, et que le gars collectionneur qui va voir ça, il va peut-être dire, ah, bah, je le veux absolument, il va lui donner une somme conséquente. Et ça fait pas. Ça embête pas d'avoir. De se dire, bah, on vend le jeu à tel truc, et qu'après, il peut prendre de la. Les gens peuvent ça. Avoir, alors que vous avez passé du temps à investir et avoir une valeur supplémentaire. Non, du tout. Si on vend un Monopoly à 50 euros, c'est pour qu'il soit aussi accessible. On n'a pas envie de le vendre à 100 euros. On a envie de rester correct. Et si quelqu'un revend le Monopoly dans 2 ans et qu'il fait du x3, ça ne me dérange absolument pas. Et tant mieux pour lui, je dirais. Oui. Oui, c'est chacun son domaine au final. Toi, tu l'as vendu, tu l'as créé, tu l'as imaginé, tu l'as fait produire et tu l'as vendu. Voilà, c'est ta partie. Exactement. Après, une fois que tu as vendu le produit, je veux dire, si même un mec au final dit bah c'est vraiment de la merde et le met à la poubelle, bah toi, tu t'en fous aussi. Non, oui. T'as vu ton argent. Je serais quand même triste. Oui, un peu déçu. Parce que quand on présente le Monopoly, par exemple, t'as présenté le Monopoly Hat à la Maison des Géants. Parce qu'il y avait un événement et qu'on avait fait une bâche de 1 mètre sur 1 en plateau pour vraiment pouvoir le montrer. Parce qu'il faut savoir que chaque case sur Monopoly Hat a été dessinée en A4, alors que là elle représente 5 cm sur 3. Ouais. Donc quand elles étaient en 1 mètre, ça donnait beaucoup plus grand. Ouais. Et donc on a invité les gens qui avaient acheté à venir voir leur Monopoly parce qu'ils ne l'avaient encore jamais vu à part en photo sur Facebook. Oui. Et quand on a les retours des gens qui disent waouh, on est content de l'avoir acheté, il est beau. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cases ont été dessinées à partir de photos. Donc les gens peuvent se reconnaître. Ah ouais. Donc par exemple, on a un voisin qui est dessiné sur le Monopoly et donc qui est arrivé qui a fait mais c'est moi. Il dit mais oui, c'est toi. Mais c'est génial. Et donc c'est super chouette d'avoir des retours comme ça après un travail comme ça. C'est et super est-ce réel, que tu es dessiné dedans? Non, je ne suis pas dessiné dessus, je ne suis pas mégalo. C'est Monopoly, pas Mégalopoly. Non, je ne suis pas dessiné dessus. D'accord, mais t'es poli en tout cas, il n'y a pas de souci, t'es un gentil garçon. Elle confirme, Andy, c'est un gentil garçon? Oui, elle dit oui. En même temps, il t'a fait un compliment au début d'émission en disant que c'était une création parfaite. C'est beau. Bien, merci Alexis. Donc, on rappelle que tu as une page Facebook et un site internet qui va avec, mais qui est annoncé. Les éditions. Harole Édition. Harole, A-R-O-L-E. Exactement, édition avec S. Avec S. Point... .com. Peut-être .be. Point BE. Mais c'est surtout sur la page Facebook qui a le plus. Qui a des sondages, la population, appelle la population moucronaise. Alexis et son papa, on va pas l'oublier non plus. Hein. Alain François a besoin de vous pour justement faire un Monopoly moucronois qui sera le plus représentatif, en tout cas, de votre ville et de votre vie. Ville et vie. Exactement. C'est beau. Sinon, j'ai retrouvé. Hein. C'est Nails Canlons. Exactement, oui. Je ne sais pas le prononcer. Nails Canlons. Scanlon. Il ne peut pas s'appeler Jean-Pierre Dupont, le mec. C'est plus facile. Donc, voilà, c'est lui. Monopoly Moucronois. Donc, en tout cas, on te souhaite énormément de réussite autour Merci de beaucoup. Ça. Et puis après, j'imagine que quand ça sera lancé, tu auras une idée d'aller dans une autre ville pour le faire ou créer un autre jeu. Il y a des. Un autre jeu non, mais on fera. Ouais. On est en communication avec d'autres villes pour faire leur Monopoly. Parce qu'il y en a déjà d'autres en Belgique. Hein. Il y a le il y a eu le Monopoly de la Ducasse de Mons. Oui, la Ducasse de Mons. Du Doudou. La Monopoly de Hatt. Il y a le Monopoly Charleroi. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Il y a le Liège, Monopoly Liège, Namur. Également, Namur. Il y en a quelques-uns. Apparemment, il y aurait Wavre qui sortirait en fin d'année. Mais c'est chez des concurrents. Ouais. Non, c'est nous, Wavre également. C'est vous aussi? C'est nous qui faisons Wavre. D'accord. Ah. Très bien. Eh bien, très beau projet. Puis on continue à vous suivre, à communiquer aussi régulièrement sur nos pages, nos réseaux. Et on reviendra, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous reviendrez quand ça sera sorti, abouti. Et puis on verra si on arrive à faire gagner un Monopoly à un auditeur. On fera une partie en temps réel, non? Ben oui, puis comme on sera dessus aussi, Rico, n'oublie pas. Puis le comptable, Nico, aussi, lui demander de sortir le portefeuille. Allez hop. Et si on augmente. Non, mes collègues vont pas être contents. Si on augmente la cotisation, tout le monde de 1 euro, je veux dire. Et augmente la mienne de 5, mais par contre, je veux ma photo sur le Monopoly. Hein, donc...

ronfles. T'es belle, c'est ça qui est fort, même quand tu me gonfles. T'es belle, mal réveillée. T'es belle, et je te jure que t'es belle, même quand t'as été coiffée par tes couvertures. T'es belle quand tu me reproches de pas être honnête avec toi, mais t'es belle même quand tu te trouves moche, alors je le garde pour moi. Déjà du temps de mes amours vagues, j'étais sourd au fracas de leurs écumes. Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues, je dois être aveugle, je présume. La potée ou le gratin, tant que ça crépite. C'est la cuisine de Léon. Tant que ça crépite, qu'est-ce que tu vas nous crépiter aujourd'hui? Un vin épicé et une tourte au pigeon. Une tourte au pigeon et un vin épicé. Oh, très bien. Voilà, c'est... Ça me va, je valide, je prends ça. Et donc, dès que mon ordinateur me dit, voilà, donne la recette. En fait, c'est tiré du site recettesérie.com. Ouais. Donc, du vin épicé, une tourte au pigeon, à mon avis, ça vous fait penser à quoi comme série? Comment ? Vas-y, répète. Alors, on a parlé d'une série Game of Thrones. On la trouve dedans, c'est ça ? Voilà, et on le trouve dedans. Et il y a un livre, ça s'appelle, qui s'appelle Gastrono Geek, série culte. Donc, où ce site internet a mis ses recettes. Donc, en fait, c'est toute... C'est toutes les recettes qu'on peut voir dans les séries et tout, donc ils ont adapté. On peut trouver par exemple les fameuses recettes de Monica dans Friends qu'elle fait. On peut on peut faire sa recette de cuisine. Alors, est-ce que peut faire la recette, je sais pas si tu te rappelles l'épisode où c'est Rachel qui cuisine et en fait il y a des pages qui sont collées et elle fait un mix entre un hachis parmentier et un gâteau, mais un financier, je crois. Il faudrait que je regarde, mais je crois qu'il y a cette fameuse recette. Et il n'y a personne qui lui dit que c'est dégueulasse, en fait. Sauf Joey, qui lui mange tout. Il dit, la crème est bonne, les petits pois sont bons, la purée est bonne, le gâteau est bon, c'est bon. C'est bon. et donc là, on a aussi donc, un livre de recettes Game of Thrones. Non, c'est carrément un livre qui représente... en fait, là, le site internet a énormément de recettes, mais ils l'ont sorti en livre. Ça s'appelle Gastrono Geek, les séries cultes. Alors, donc, cette tourte au pigeon. Donc, en ingrédients. Ouais. Si on a la flemme, c'est deux pâtes brisées qu'il faut. Voilà, de faire la pâte brisée, soit on fait soi-même, soit il en faut deux pâtes brisées achetées. D'accord. 400 g de chair de pigeon. Bon, après, il faut trouver le pigeon. Oui, du pigeon, puis on peut... je sais pas si on peut jamais trouver chair de pigeon. Mais après, il faut acheter le pigeon, le cuire soi-même et puis, le dépiauter. Après, ce qu'on peut utiliser, c'est du poulet à la place du pigeon. Mais d'accord. On peut dire, ouais, t'as vu, c'est du pigeon et tout, Game of Thrones. 250 g de champignons. Très bien. 80 g de lardons. Ouais. Un cube de bouillon de volaille. Mm-hmm. Ouais, on reste toujours dans le pigeon, oiseau et compagnie. Un œuf. Qui a des plumes. Un œuf, oui, bon, on est encore dans ce qui. 20 a des plumes. 20 centilitres de crème liquide. Du curry, du sel et du poivre. D'accord. Alors je te mets un petit peu la pression quand même parce qu'on a un cuistot qui est quand même autour de la table. Sa spécialité, c'était à la pâtisserie. Donc, Ben, c'est ça ? Ouais. Ouais. Je t'appelais Ben. Ton nom d'antenne. Il faut couper la chair de pigeon en dés, les champignons en lamelles. Il faut faire revenir le pigeon, les lardons, les champignons dans une grande poêle. Après, on ajoute le cube de volaille, la crème, le curry, le sel, le poivre. On fonce un moule à tarte avec la première pâte brisée. Donc, c'est simplement poser correctement la pâte à tarte. Son fond tarte. Voilà. Verser le mélange, découper un cercle sur la deuxième pâte pour refermer la tourte. Et après, il faut souder les bords, badigeonner avec un jaune d'œuf, faites une cheminée, donc ça veut dire faire un petit trou pour pouvoir... au centre de la tourte. Au centre, pour pouvoir que ça cuise bien à l'intérieur. Et enfourner 30 minutes à 200 degrés, donc c'est à peu près thermostat 6 ou 7, pour ceux qui ont un thermostat et pas degré. Ah oui. Voilà, c'est le thermostat 6 ou 7. Après, là, tu vas me dire, est-ce que la cheminée, c'est aussi pour éviter que la pâte gonfle et que ça te fasse genre de soufflé ? C'est pour éviter que ça cuise à l'étouffer et que ça éclate la pâte du dessus. Merci, Ben. Elle travaille dans les grandes enseignes de restauration. Mmh. C'est ça ? Des bonnes gaufres. Les gaufres. Et donc, voilà, la tourte au pigeon, qu'on peut trouver ce plat dans Game of Thrones. Voilà, vu que je sais qu'il y a deux fans de la série... Il y a la tourte au pigeon, mais je sais que, sans spoiler, il y a un moment, il y a une tourte au... Trois. À la viande humaine, quand même. Oui, ouais. La viande humaine, tu la mets dans une tourte. Ouais, ouais, je fais des parodies de chansons autour des épisodes de Game of Thrones. Voilà. C'est Léon à peu près, c'est ça ? C'est un peu ça, voilà. Et donc, tu dis qu'il y a une boisson qui va avec ça. Bah, le vin épicé. En même temps ? Bah, pour accompagner le... Pour accompagner cette tourte aux pigeons, pourquoi pas, voilà, un menu Game of Thrones. Et voilà, donc le vin épicé, c'est 1,5 litre de vin. Ah, rouge. On le fait soi-même, ça se trouve pas, ouais. On peut le cuisiner soi-même. Voilà, c'est ça. Donc 1 litre de vin rouge. 1 litre et demi de vin rouge. Ah oui, on y va, 2 bouteilles. 20 clous de girofle. Ah ouais. 3 bâtons de cannelle, une orange, un citron et du sucre. Ouais, c'est comme quand on fait un vin chaud, en fait, un peu, hein. Ouais. Donc il faut zester le citron et l'orange. Dans un gros chaudron, il faut faire dissoudre le sucre dans de l'eau. Ajoutez les zestes, les clous de girofle et la cannelle, portez à ébullition, laissez bouillir 15 minutes, puis filtrez les zestes et les épices, et ajoutez le vin, et après, il faut laisser refroidir. Ah, on ne le boit pas chaud? Non, il faut le boire à température, voiture, voilà, comme un vin. Ok, tour pigeon, ouais, moi ça me va, moi je valide la recette. Ouais. J'ai faim maintenant. Donc voilà, c'est des, comme je vous dis, le livre ça s'appelle Gastrono Geek, ah oui, donc série culte, et le site où j'ai trouvé ces recettes, c'est recettes-série.com, et après là vous avez le choix, il y a Game of Thrones, il y a par exemple la série Hannibal, et il y a pu même avoir aussi des recettes de films. Des recettes de par rapport au film. Ah oui, des films, pas que les séries. La recette Hannibal, enfin, il a quand même été un petit peu cannibale, Hannibal. Voilà, mais c'est s'inspirer. Par la exemple, cervelle. Voilà, oui, voilà, la cervelle. Ça peut, on peut être inspiré dessus. Par exemple, oui. La blanquette de OSS 117. D'accord. La fameuse est-ce que la blanquette est bonne? Oui, elle est bonne, et c'était le code secret. Donc, il y a la fameuse recette de blanquette. Ou le thé glacé du Doc dans Retour vers le futur. Ah, c'est super sympa comme idée ça. Donc on vous met les... Et je la veux d'ailleurs, ce lien sur la page Facebook. Et le Glooby Boulga, non? Ah, ça, il faudra que je regarde si le lion est aussi long. Mais il y a peut-être possibilité de l'avoir parce que c'est vraiment fait une série de geeks. Pour ceux qui connaissent encore le Glooby Boulga, de Casimir. Ah, ça va. Et par exemple, ceux qui adorent The Big Lebowski... Il y a le What Russian du fameux que le Duke boit, on va dire presque constamment, et donc on peut avoir le What Russian de. Et la tarte à la salsa pareil des Schtroumpfs, non? Je pense ça, pas. Sanglier rôti, la chose aussi chez Astérix. Ouais. Très bien, et eh bien écoute, merci Lily. Alors on va appeler Logan parce que Logan avait un titre, il avait une envie de titre. Ah, la séquence de l'auditeur. C'est lui l'auditeur aujourd'hui. C'est lui aujourd'hui, allez. Donc on va l'appeler et puis donc on passera son titre. Et juste après, tu as des livres à nous chroniquer, d'ailleurs, Lily Sou. Donc, ça sera d'ailleurs, toi. Logan parle de la soupe aux choux sur les réseaux. Et il y a cette. Soupe. Ça fait une soupe. D'accord. Aux choux. Ça, je sais, ça c'est sûr. Et les extraterrestres arrivent. Parce je que sais c'est pas. C'est quand même en rapport. Hein. Il faudra tester, il faudra tester la recette. Bah, je te la laisserai tester. Et comme ça, tu me raconteras. D'accord. Donc, on a Logan en cours d'appel. Alors, le titre de Logan, il va dénoter un petit peu quand même avec notre playlist. Hein. Ouais. C'est un Jones, Logan. Il est plus sur. Voilà, il veut, sur il veut du, rajeunir. Sur du rap. Logan, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Et moi. Ah, et on t'entend bien. On t'entend très bien. Donc, tu es dans le train. Ah, bah, c'est super. Oui, je suis dans le train. Parce que tu avais école ce matin. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi t'es dans le train? Tu vas à l'école en train? Ouais, en train métro. Ah ouais, purée, c'est un courageux. Ouais. Et pour aller faire du sport, ce matin t'as fait du sport? Ouais, 2 heures de sport, ça va. Très bien, pas de blessure, tout va bien? Bah, j'ai toujours ma blessure au genou, mais ça va. Ok. Te couche pas trop tard, hein. Demain midi t'es attendu à la maison, d'accord? On appellera d'ailleurs à la maison Piotr après pour nous faire une petite dédicace polonaise. Et toi, tu as une petite dédicace ce matin? Oui, alors en fait, c'était pour une musique. Ouais, voilà, une musique que j'affectionne. que j'affectionne, voilà. Oui, mais assume. Voilà, ouais, bien sûr. C'est Réseau de Niska. Niska qui est un rappeur. Effectivement, il faut savoir que même Neymar dans les vestiaires du PSG danse sur cette musique. Ah, c'est en rapport avec notre chronique sur Neymar la semaine dernière. Et on rappelle que Neymar, depuis qu'il a signé, Logan, Neymar, depuis qu'il a signé, il a gagné 3 millions. J'arrive même pas à lire le chiffre. 3 millions 9387 euros. Tranquille. Ouais. Il a fait 2 matchs, il a bien joué, il a marqué hier. Il a bien joué. Eh bien, donc on va s'écouter Niska Réseau. On te retrouve pendant les vacances scolaires, hein, parce que tu bosses maintenant le samedi matin, donc tu viendras pour les scolaires. Voilà. J'ai un truc aussi pour les geeks. Ça sera sur une prochaine chronique. J'ai des noms de code à donner, et puis on va voir si vous trouverez. Mais ça sera la semaine prochaine, on en parlera. D'accord. Donc là, on s'écoute Réseau de Niska. Et on retrouve juste après Lily Sou pour les livres à chroniquer. Et ensuite, on appellera notre ami polonais Piotr. C'est parti. Merci. Oui, là, je suis un peu encore dans Game of Thrones. c'était la fin de la chronique de Lilissou. C'était Logan, un des personnages de Game of Thrones. Et maintenant, c'est Réseau de Niska. Salut Logan. Salut, bonne émission. À bientôt. Raccroche-toi ou raccroche-moi. Qui c'est qui raccroche? Je raccroche. Allez, salut. Je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Eh bien, c'était Réseau de Niska. Bah voilà, un petit rap, ça change un petit peu. Et puis ça fait plaisir à Logan qui vient régulièrement nous faire quelques chroniques, qui fait ses recherches sur la nouvelle technologie, qui est bien calé, hein, il s'y connaît. On voit qu'il étudie le sujet. C'est pas un faux geek. Ah non, non pas du tout. C'est un vrai. Geek, on rappelle, qui vient de l'allemand geek, qui est l'idiot du village. Donc on vient de dire que Logan était un vrai idiot du village. Non mais voilà, c'est les origines aujourd'hui. Un geek, c'est un passionné plutôt. Passionné. Des livres, on reste donc, on rappelle, hein, t'as un livre de recettes qui va sortir d'un site qui s'appelle... Recettes-série. Recettes-série. Et le site internet Non, c'est Recettes-série. Et d'accord. L'autre, c'est Gastrono-geek, les recettes de séries cultes. Et donc, maintenant, les livres, un livre pour enfants, un livre pour adultes, un livre pour adolescents. Bah, en fait, là, je vais reprendre un peu la semaine dernière parce qu'il y a eu des sujets abordés qui étaient fort intéressants. On a parlé de quoi? On a parlé de foot. Moi, en fait, j'ai pas le foot. Ça sera peut-être pour une prochaine chronique. On a parlé? Tu vas nous rappeler. Alors, voilà. Ça donc là, je veux parler de. Il y a eu la rentrée des classes. Ah oui, on a parlé de rentrée, voilà. Bien sûr. Et il y a plusieurs livres intéressants qui sont sortis et tout, plus ou moins. On va dire plus ou moins anciens, mais bon, la plupart sont de 2016, de ce livre-là que je vais vous parler. C'est « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez, « La révolution de l'éducation à l'école et pour les parents ». C'est un livre qui, on va dire, Il est à 20,90€ hein, ce livre-là. Céline Alvarez a fait une expérience pour ses études en école où elle a montré les bienfaits de la pédagogie Montessori. Ah oui, Montessori. Et voilà, elle a fait ça pendant plusieurs années sur une classe. On peut dire qu'elle avait les moyens parce que 10 000 € pour une seule classe, il y en a certains en France, avoir 100 €, c'est iram. Oui. Donc voilà, je veux dire, voilà, elle a fait... Elle a eu la chance de pouvoir réaliser son projet. Ouais, réaliser son projet. Après, qu'elle critique, voilà, je ne suis pas forcément pour par rapport à sa façon qu'elle a fait après. Elle a arrêté parce qu'elle n'avait plus les fonds, qu'elle donne aussi... qu'elle s'estime heureuse de pouvoir avoir fait ça avec des fonds, voilà, et puis faire un livre qui fonctionne très bien, c'est un livre qui fonctionne très bien et qui est très intéressant parce qu'elle apprend que l'enfant n'a pas forcément besoin d'être assis pour apprendre et il apprend très bien tout seul. Toujours être en temps guidé. Voilà. Si des instituteurs peuvent nous écouter. L'instituteur, c'est assis, tourné face au tableau. Pas le droit de se mettre de trois quarts, bien assis devant le tableau. D'ailleurs, si Noah nous écoute, il saura, voilà, il a un prof. C'est le titre, c'est 5 cases après. Ouais, alors, c'est sûr qu'il y a les règles. Donc, quand on est face aux règles, on va les suivre. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant que les instituteurs commencent un petit peu à réfléchir. Les nouveaux instituts font avec les moyens du bord. Mais ils ont des idées, alors. Voilà, ils ont des idées. Ils créent des nouvelles choses. Ils créent des nouvelles choses. Mais ça peut aider aussi, on va dire, la vieille génération qui est habituée à l'enfant assis à trouver des... Est-ce que la vieille génération change, hein? Est-ce qu'on n'a pas un frein en changement dans notre société? Mais il y a des instituts qui sont à 10 ans, 15 ans de carrière qui changent quand même parce qu'ils voient que ce qu'ils faisaient, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, ils essaient de chercher d'évoluer. Après, il y a chez Albin Michel, le réveiller le désir d'apprendre. Donc, c'est surtout fait, par exemple, leur enfant de 6 ans pose des questions et donc les parents se plaignent. Parce que l'enfant veut apprendre. Mais voilà, en fait, l'enfant est un être qui a constamment besoin d'apprendre. Il apprend par l'exemple, par ce qu'il voit. Entre guillemets, on t'a jamais appris à parler quand tu étais tout petit. C'est parce que tu as entendu les sons qu'on a appris. Et donc, voilà. Et, est-ce que c'est important de s'ennuyer? Est-ce que c'est important de... Ça, c'est un grand débat. Voilà, donc ça, c'est le genre de livre qui peut être intéressant plus pour les parents que pour les instits. Après, un livre un peu humoristique, assez sympathique, je suis la page de cette personne, c'est sorti aux éditions Flammarion, c'est Monsieur le Prof. Monsieur le Prof. Voilà, c'est un prof d'anglais qui nous raconte ses aventures quotidiennes, comme à la cantine. Le service n'est pas forcément extra, mais quand c'est les frites, il essaie de se combattre avec les élèves pour avoir la grosse portion de frites. Et les élèves, parce que au self, même les profs mangent la même chose que les élèves. Il n'y a pas forcément à dire... il y a peut-être des petits trucs en plus pour les profs, mais voilà. Le vin. Non, n'existe pas. Ça dépend. Oui, c'est pareil. Des lycées, Et en fait, c'est tout humoristique. Il va raconter que Kevin a fait comme connerie ça ou des trucs comme ça. Donc, on va dire, c'est léger, c'est frais, c'est sympathique. Et il a une page Facebook, donc Monsieur le Prof. C'est entre guillemets, un jeune. Il a une d'années, c'est un jeune prof qui raconte ses déboires, ses moments de joie. Et là, c'est un peu un relevé pour les nouveaux profs, par exemple, les trucs à faire ou pas faire pour quand on va en cours pour la première fois et qu'on donne des cours à des élèves. Donc c'est vraiment le truc sympa, pas prise de tête. Et même pour les non-profs, c'est assez sympa parce qu'on voit un peu l'intérieur, comment ça se passe un conseil de classe. Il a inventé le bingo du conseil de classe. Ah ouais. Donc, par exemple, Kevin et l'élève dissipé. Donc, tu vas choper l'élève dissipé. Le directeur, le proviseur va se gratter le nez 36 fois lors du conseil. Tu fais et après, tu dois crier bingo. D'accord. Lors de ton conseil de classe. C'est un jeu sympa, ça, pour se divertir en classe quand on s'ennuie. Ou, par exemple, tu as une réunion importante à ton boulot. t'as des trucs qui reviennent assez souvent. Faites un bingo avec différents ouais. trucs. Ou alors faire dire un nom à quelque chose. Moi, à un moment, j'avais un défi, hein, j'ai pas réussi. Il fallait que je réussisse à faire dire le mot wassing à ma prof d'allemand. Madame, comment on appelle déjà le tissu là pour essuyer par terre? J'ai un trou de mémoire. Une serpillière? Non, madame, non, laisse tomber, j'ai perdu. Et là, on va passer un peu sur chez Capucci, Philippine, qui a parlé d'un film sans mammotement par minute. Oui, sans mammotement par minute, qui parle du sida. Ouais, qui parle du sida. Je vais parler un petit peu des livres qui parlent de ça, j'en ai que deux. Il y a Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Ah oui, bah c'était un film aussi. Voilà, mais c'était d'abord. Roman Bringer. Voilà, mais c'était d'abord un livre qui date quand même des années 80 avant le film. Avant le film, ouais. Et donc, voilà, il a 30 ans, il aime les garçons et les corps anomiques qui s'emparent de lui dans les rites pervers de nuit fauve. Il aime les filles de passage et Laura, il est séropositif. Lâcheté ou panique, il n'a pas dit à Laura, il l'a peut-être contaminée. Elle a 17 ans, elle l'aime jusqu'à la folie, usant de tout pour ne pas le perdre. Prière, violence, mensonge, chantage. Il s'aime et se déchire dans un rythme serré de clips vidéo ou de défilés de mode. Donc voilà, c'est un peu le livre par excellence à lire. Pour connaître, on va dire, l'époque où le sida a commencé à éclater, voilà. C'est un peu, voilà, le livre référence. Après, nous avons Plus grand que l'amour aussi. Donc, c'est aussi des livres qui datent. Parce que c'est vrai que maintenant, trouver des livres, on va dire, récents sur ça, c'est plus des livres scientifiques, voilà. Mais si on veut plutôt des romans, il faut plutôt voir dans les années 80-90 pour avoir ces romans-là. Et donc, Plus grand que l'amour, il est sorti en 84 chez Robert Laffont. On peut encore le trouver soit en livre de poche ou dans les médiathèques, les bibliothèques. Donc, c'est une prodigieuse épopée humaine. C'est des médecins détectives, des chercheurs, des sœurs de Mère Teresa, un moine libanais et des malades suicidaires confrontés au plus terrible fléau de notre temps. Une aventure débordante de courage, de compassion, de générosité, de foi et d'espérance. Donc, beau message. Voilà. Et donc, voilà, c'est Plus grand que l'amour, c'est le récit inlassable combat de tous ceux, donc les médecins, les chercheurs, les malades, qui sont rassemblés et qu'on est encore confrontés, malheureusement, à cette maladie. Exactement. Et voilà, qu'il faut se protéger. Eh bien, merci beaucoup, Lilissou. On te retrouve régulièrement dans l'émission pour justement des livres que tu as vu paraître, que tu as lus ou que tu aimerais lire. Et puis bah voilà, c'est sympathique. Puis comme on voit bien que tu es une auditrice assidue, tu fais du lien avec tout ce qu'on peut dire tout au long des émissions pour en sortir de la littérature. Et si vous voulez me faire entre guillemets des cadeaux, ah d'accord, voilà. Juste Père Noël, voilà, non, parce qu'il y a la rentrée littéraire, oui, voilà, de 2017, on est en plein dedans. Il y a le dernier Amélie Nothomb qui va sortir en mois d'octobre. D'accord. Bah, c'est mon anniversaire, donc voilà, on me l'offrira, je le prêterai. Donc voilà, qui va sortir. On va dire c'est l'écrivain français le plus prolifique de sa génération parce qu'il y a pratiquement un livre par an ou tous les deux ans qui sort. Bon, après, il y a d'autres livres, par exemple, qui sont très attendus et c'est assez rigolo. C'est Article 353 du Code pénal. Là, c'est le livre le plus attendu. Et donc, c'est pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Marcel Kummer vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel elle a été déférée, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là, son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement, et puis surtout les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. Eh bien voilà, donc voilà, envoyez vos dons sur RQC dans Y'a du monde chez Léon pour qu'on puisse acheter ce livre à Lilissou. Merci. Page à page. Tu l'as pas au début, mais tu l'as les à la fin. Les conseils livres de Lilissou. C'était les conseils livres. Donc on se retrouve juste après. On appelle la Pologne, ce qu'on écoutait en Pologne. Non, on va appeler la maison où il y a un Polonais dans la maison. Mais voilà, une émission culturelle et internationale. Et puis on sera temps de bientôt se quitter. On est bientôt 13h, hein, midi 45. Il va être temps de se quitter. Donc là, on se fait une petite pause, hein, tout de même. Le temps d'appeler notre correspondant polonais sur place. Et puis ça sera du Queen. Friends will be friends. Il y a du monde chez Léon. Il y a du monde chez Léon, on est tous ensemble. Il nous reste une petite dizaine de minutes et on va la conclure un peu de façon folklorique, culturelle, internationale. Et donc on va voilà, appeler en direct Nastasia, qui a un papa polonais. Ils sont ensemble et puis ils nous ont écoutés. Et je trouvais intéressant de pouvoir écouter un titre qui passe en Pologne, qui est apprécié. Et donc voilà. Anastasia, est-ce que tu es en ligne ? Allô, Anastasia ? On entend un fond. On entend un fond, ça y est. C'est le papa. Ah, bah, c'est Piotr donc, qui a décroché le téléphone. Salut Piotr. Bonjour à tous. Ça va ? Allô ? Allô, oui, est-ce que tu nous entends ? Sinon, oui, je vous entends. Ah, parce que c'est vrai que c'est loin, la Pologne, c'est loin. Non, vous êtes sur Comines, là. Donc on n'est pas trop loin. Et donc voilà, je disais un petit peu que bah voilà, il y avait les jumeaux de Benoît qui étaient ici dans le studio et de Nastasia qui est à la maison, qui sont voilà dans le nord, enfin du côté de Comines, Belgique. Hein, on est au Bizet, voilà. Si vous voulez chercher, vous êtes fan de Léon, cherchez ma maison, je vous signe des autographes. Et puis voilà, on a Nastasia et Benoît qui sont sur Brive, toi qui es en Pologne, et le point de rencontre a été la Belgique pour pouvoir voir les jumeaux. T'es content de voir les jumeaux grand-père que tu es? Oui, bien sûr, et en profitant des grands groupes de famille en France, et aussi, si ma femme elle m'écoute en polo en ce moment-là, bah, pour le moment, je passe un grand bonjour à ma femme Monica et mon fils et Victor en Pologne. Bah, tu peux nous le dire en polonais? Non, je peux passer ma fille, Nastia. Ah, tu passes ta fille. Bon, on aurait bien aimé entendre parler polonais, tu sais. Allô? Allô, oui, je disais que... oui, on aurait aimé entendre parler un peu polonais. Ben oui, ben je me doute. Ça coupe. Alors, si vous êtes en direct sur Internet, sur la radio, coupez la radio et laissez-vous bercer par le téléphone. Allô? Allô? Ah, oui, ben on t'entend. Allô, allô? Oui, ben je t'entends, vas-y, parle. Bon, c'est compliqué, la communication est compliquée, on est en duplex, hein, la Belgique c'est ah, loin. Ça y est, hein. Ça y est. Mais toi, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Moi, j'entends très bien. Ah. Eh ben alors continue alors. On t'entend nous. J'entends. Je sais pas, mais moi je parle depuis tout à l'heure. Hein. Et est-ce que toi tu nous entends? Très bien. Eh ben alors continuons à discuter, qu'est-ce qui se passe? Ben je ne sais pas. Eh ben alors. Vous couper. Ah non, on coupe pas, on discute. On disait qu'on aurait bien aimé entendre parler polonais. Mais oui, c'est ce que je disais, il peut faire le lancement de la chanson, vous allez lancer la chanson? Mais oui, voilà, on va lancer la chanson, voilà, s'il peut... Alors, je vais lui dire de la lancer en polonais. Voilà, parce que je vais pas savoir la prononcer. Ça marche, je lui passe et il fait le lancement en polonais. Parfait. D'accord. Piotr, allez, bisous à tout bisous. Monde. Bisous. Bisous. Piotr, tu es là? Oui, je suis là. Ah, donc voilà, je voulais que tu dédicaces à Monica, c'est ça? Donc ta femme qui est en Pologne. Ma femme en Pologne et mon fils Victor. Et eh ben fais ce lancement où tu leur fais un gros bisou en polonais et tu nous lances la chanson. D'accord. Moja kochana żono, teraz dla ciebie piosenka z Belgii, buziaki dla ciebie, moje miasto, cookies. Ben voilà, donc c'est ce qu'on va s'écouter. Voilà. Un petit bonjour à la communauté polonaise de France et de Belgique. Oui, je vous embrasse très très très. Et puis, d'où tu es originaire en Pologne? Ben, ça, c'est l'ouest de la Pologne, tout au milieu. Non, mais ça peut... Donne une ville, parce que ça peut parler, justement, aux Polonais qui vivent en France et en Belgique. Oui, c'est de Głogów. Głogów. Głogów, entre la Legnica et Poznań, voilà. Très bien. Eh bien, ça sera la conclusion donc de l'émission. Cette dédicace à Monica et ton fils Victor. Victor est pour toute la famille en France. Et pour toute la famille en France. Merci. Miasto voilà. Budice. Voilà. C'est bon, je l'ai bien prononcé? Bien, très très bien. De Yougopolis. Eh bien, je te dis à tout à l'heure parce que je rentre bientôt. À tout à l'heure, Piotr. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et on se passe donc Miasto Budice pour conclure cette émission. On se dit donc au revoir à la semaine prochaine. Alain, tu seras là? Je serai présent. Ben écoutera? J'écouterai. Ah. Lilissou, elle écoutera, c'est sûr. Oui. Elle même participera, elle réagira. C'est ce qui arrive régulièrement. Et puis, bon, là, moi, je serai là, présent, à l'heure, et puis dynamique. On se quitte donc avec ce titre polonais, Miasto Budice de Yougopolis. Allez, à la semaine prochaine. purpurą już okryło czarne dachy. Złoto zaraz zmieni je. Że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. A potem tak jak zawsze, ja przed słońcem wstanę.